maintenant? Why do I come here? Pourquoi suis-je venu ici? The reason I come. La raison pour laquelle je suis venu. Is because the Lord Jehovah. Parce que Dieu, l'Éternel Dieu, has spoken with me. A parlé avec moi. About the coming of the Messiah. Sur la venue du Messie. The reason I come to you. La raison pour laquelle je suis venu vers vous. The pastors. Les pasteurs. The evangelists. Les évangélistes. And the members of church. Et les membres de l'église. Is because the Lord Jehovah. Parce que le Seigneur Jehovah. He has spoken with me. Il a parlé avec moi. And if he has spoken with me. Et quand il a parlé avec moi. What has he said? Qu'est-ce qu'il a dit? He has spoken with me. Il a parlé avec moi. About the glorious coming of the Messiah. Sur la venue glorieuse du Messie. And I want you to know. Je veux que vous sachiez. That this has been ongoing. Ceci est arrivé déjà. I've been down from New Zealand. J'ai commencé depuis la Nouvelle-Zélande. To Australia. À l'Australie. All through to South Korea. Jusqu'en Corée du Sud. All the way through Europe. En Europe. Up to Finland. Jusqu'au Finlande. And up to Canada. Jusqu'au Canada. The whole of Africa. Toute l'Afrique. There has been a journey. Ça a été un grand voyage. That is preparing the way for the coming of the Messiah. Qui est en train de préparer la voie pour la venue du Messie. And that highway of holiness. Et cette autoroute de la sanctification. That is being prepared. Qui est en train d'être préparée. Is today passing here. Ça passe aujourd'hui ici. And so the conversation I'm going to engage you on. Alors la conversation dans laquelle je vais vous engager. Is a holy conversation. C'est une conversation sainte. So let's begin from the basics. Commençons par la base. If the Lord has spoken with me. Si le Seigneur a parlé avec moi. About the coming of the Messiah. Oh, sur la venue du Messie. And sent me to you. Et m'a envoyé vers vous. Then what has the Lord said? Alors qu'est-ce que le Seigneur a dit? That's where we need to begin. C'est de là que je vais commencer. Hallelujah. Hallelujah. I am going to describe a vision here. Je vais décrire une vision ici. And I'll use it to launch the message. Et je vais utiliser ça pour lancer le message. But this message. Mais ce message. Will change your life forever. Ça va changer votre vie pour toujours. If the Lord has spoken with me about the glorious coming of the Messiah. Si le Seigneur m'a parlé sur la venue glorieuse du Messie. Then what has he said? Alors qu'est-ce qu'il a dit? I'm describing. Je vais décrire maintenant. It was on November 1. C'était le 1er novembre. And I'm taking you back to 2006. Et je vous ramène en 2006. November 1. Le 1er novembre. The year 2006. L'année 2006. At about 3 a.m. in the morning. Vers 3 heures du matin. November 1, 2006. Le 1er novembre 2006. I saw the visions of Jehovah. Je vis la vision de l'Éternel. God the Father. Dieu le Père. Came to speak with me. Il est venu parler avec moi. About the glorious return of the Messiah. Sur le retour glorieux du Messie. What did he say? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Look at what he said. Écoutez ce qu'il a dit. In that vision. Dans cette vision. I found myself looking up into the sky. Je me suis vu regardant en haut vers le ciel. And the sky was obscured, was dark. Alors le ciel était obscur, c'était noir. Was very dark. C'était très très obscur, très noir. You could say pitch darkness. C'était un épais ténèbre. And so as I was looking at the pitch dark sky. Alors quand je regardais vers ce ciel qui était très ténébreux. And I'm going to give fine details, please. Je vais donner quelques détails s'il vous plaît. Each detail when God speaks. Each detail has a message. Chaque détail que Dieu donne, chaque détail a un message. And very deep. Et c'est très profond. So just follow me on the details. Alors suivez-moi dans les détails. And so as I was there. Alors quand j'étais là. Focused on the thick dark sky. Regardant sur cette épaisse ténèbre au ciel. In that vision. Dans cette vision. Then all of a sudden. Alors soudainement. Heaven opened over the dark sky. Le ciel s'ouvra sur ce ciel ténébreux. Heaven opened into the thick dark sky. Le ciel s'ouvrant dans ces ténèbres, le ciel ténébreux. And when heaven opened into the thick dark sky. Et quand le ciel s'est ouvert dans cette épais ténèbre du ciel. I saw a phenomenon. J'ai vu un phénomène. A tremendous phenomenon. Un phénomène terrible. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? Enormous. Un phénomène énorme. Yes. When heaven receded and opened. Quand le ciel s'est redressé et s'est ouvert. Into the thick dark sky. Dans ce ciel, dans les peu ténèbres. This is the phenomenon I saw. Ceci est le phénomène que j'ai vu. I saw the tremendous glory of Jehovah. J'ai vu la gloire extraordinaire de Jehovah. Like a cloud. Comme une nuée. In a cluster, in a wave like this, like a cloud. Comme une nuée dans des petits groupes. Come out of heaven. Et sortant du ciel. And pour into the thick dark sky. Et se répandant sur cette épais ténèbre qui était dans le ciel. Because it says. Parce qu'il dit. When heaven opened. Quand le ciel s'est ouvert. Then the glory of God. Alors la gloire de Dieu. Came in cluster like clouds. Et descendit comme une nuée en groupe. And passed through the entrance that was open. Et passé par l'entrée qui était ouverte. And came out. Et s'est sorti. And overruled. Et ça dominé. Overruled the boundary of heaven. Ça dominé sur les boundaries du ciel. They disregarded. Dans les ténèbres qui étaient là. And passed the borders of heaven. Et là, passé la bordure du ciel. And came into the dark sky. Et arrivé là où le ciel était ténébreux. The glory did not come at once. La gloire n'est pas venue en un seul coup. First cloud. Le premier groupe. Came out. Est sorti. Another cloud. Une autre nuée. Came out. Est sorti. Another cloud. Une autre nuée. Like that. C'était sorti comme ça. But when that happened. Alors quand cela est arrivé. I saw something. J'ai vu quelque chose. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. When the glory came out, quand la gloire est sortie, through the door that was open to heaven, par la porte qui était ouverte au ciel. What amazed me is this. Qu'est-ce qui m'a étonné, c'est ceci. I saw the true power of God. J'ai vu le Dieu puissant de Dieu. Hey, hey. On that day, à ce jour-là, I, moi, I saw the true power of Jehovah. J'ai vu la vraie puissance de Dieu. Power, la puissance. Can I explain? Est-ce que je peux expliquer? Can I explain? Est-ce que je peux expliquer? Because. Parce que. Look at what I saw. Et regardez ce que j'ai vu. I saw that when the powerful glory of God from heaven was coming down. J'ai vu que quand la puissance glorieuse de la gloire de Dieu descendait. Into the thick dark sky. Dans ce ciel qui était très ténébreux. Obscuro. Qui était très obscur. I saw. J'ai vu. That the glory of God. Que la gloire de Dieu. Was beginning to chase away the darkness. A commencé à chasser les ténèbres. Alléluia, il est chassé. Il est chassé. Comme ça là. Oh yes. Oh oui. Chasing away. Chassant. In other words. En d'autres mots. I saw the glory of Jehovah. J'ai vu la gloire de Dieu. Battle the darkness. Battre les ténèbres. Fight the darkness. Et chasser les ténèbres. And conquer it. Et conquérir les ténèbres. I saw. J'ai vu. I told you. Je vous ai dit. That I saw a phenomenon. J'ai vu un phénomène. That is going to change the church. Qui va changer l'église. In the French Guiana. En Guyane française. This is the hour. Ça c'est l'heure. This is the hour. Ça c'est l'heure. For the glory of God. Que la gloire de Dieu. To chase away the dark. De chasser les ténèbres. This hour. Cette heure ici. It is called. C'est appelé. It is called. C'est appelé. The hour of power. L'heure de la puissance. I saw. So, alors, it was tremendous to watch. C'était extraordinaire de regarder ça. And even on the earth where I was standing, même sur la terre où j'étais debout, I could see the glory reaching me. Je pouvais voir la gloire me toucher. And the light of the glory of God, et la lumière de la gloire de Dieu, reaching the earth, et toucher la terre, and changing the earth, et changeant la terre, colonizing the darkness, colonisant les ténèbres, and fighting it, et les frappant, and conquering it. Et le conquérant. I saw. J'ai vu. And light covered the earth. Quand la lumière a couvert la terre. That's the first thing I saw. Ça c'est la première chose que j'ai vu. Can I move on? Est-ce que je peux avancer? As I move on. Comme j'avance. Don't miss the point. Ne manquez pas le point. The Bible promises the dispensation of open heaven. La Bible a promis la dispensation de ciel ouvert. When now. Alors maintenant. The portals of heaven would be open. Les portes du ciel seront ouvertes. Meaning, ça veut dire, when now, maintenant, God would have to speak directly to the church. Dieu va parler directement à l'église. Directly to the church. Directement à l'église. From the throne to the church. Du trône vers l'église. Not going through other ways and other means. Pas par d'autres chemins. And adding other words non, from people. Pas d'autres chemins, d'autres voies, mais directement. And insisting. Et insistant. And adding words. Et ajoutant des mots. No. No, no, no, no, no. He would have to speak. Il va parler directly to the church. Directement à l'église. The Bible promises that. La Bible a promis cela. And that's why I'm saying pastors. C'est pourquoi je dis pasteur. Please, s'il vous plaît, don't miss this point. Ne manquez pas ce point ici. Don't. Non. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. So when the glory came out, quand la gloire est sortie, and began to conquer the darkness, a commencé à conquérir les ténèbres. It went on. Ça continué. And then at one point, à un point, the Lord focused me. Le Seigneur m'a fait focaliser into heaven. Au ciel. So I was looking through the door that was open. Alors je regardais à la porte qui était ouverte. And I was looking straight inside heaven. Alors je regardais directement à l'intérieur du ciel. I have been to heaven. J'ai déjà été au ciel. Those of you who have followed the visions that are in the web. Ceux qui ont suivi les visions que j'ai à l'internet, you know when I was giving the prophecy of the four apocalyptic horsemen, je vous voyais que j'ai donné la révélation des quatre chevaux apocalyptiques. The prophecy that brought the global economic crisis. La prophétie qui a amené la crise globale économique. That brought the bloodshed in the Arab world. Qui a amené le sang qui est répandu dans le monde arabe en Afrique. Each of those moments. Chacun de ces moments. Before those events. Avant ces événements. The Lord always brought me to heaven before his throne. Dieu m'amène toujours au ciel devant son trône. And I'm saying. Et je dis. I am glad. Je suis content. That the Lord called me. Que le Seigneur m'a appelé. A preacher of evangel rural. Un prédicateur de l'évangile rural. Hallelujah. A preacher. Un prédicateur. From the hearts. The mad houses of Africa. Dans les maisons de hutte avec la terre cuite de l'Afrique. There is grass on the roof. Il y a des herbes sur la toiture. And then we make soil with water. Alors on prend la terre avec de l'eau. And make the walls. Et puis on fait les murs tout autour. I am glad the Lord called me from the rurals of Africa. Parce que le Seigneur m'a appelé du milieu rural de l'Afrique. Because. Parce que. In that way. Dans ce sens-là. Everybody can afford this gospel. Tout le monde a le moyen d'atteindre cet évangile. In that way, dans ce sens-là, you don't have to send registration fees. Vous n'avez pas besoin de payer les frais d'enregistrement pour une réunion. To reserve your seat. Pour réserver votre place. How much is the registration? Combien est-ce que l'enregistrement ça coûte? Well, oui. 1,000 euros. 1,000 euros. Because of the strength of the message. À cause de la force du message. We need 1,000 euros. On a besoin de 1,000 euros. And then 500 euros. Alors 500 euros. If you want to sit in the presidential pavilion. Si tu veux t'asseoir à côté du président. So 1,500. Alors 1,500 euros. And if you want to meet the man of God. Alors si tu veux rencontrer l'homme de Dieu. And shake his hand. Et secouer sa main. You need 5,000 euros. Tu dois 5,000 euros. I thank God. Je remercie Dieu. He called me. Il m'a appelé. As the cheapest servant. Comme le serviteur le plus moins cher. From the rural of Africa. Dans le monde rural de l'Afrique. Because this message. Parce que ce message. Is so powerful. Est tellement puissant. Is so critical. Tellement critique. That if you sell it. Si tu le vends. Many people will miss heaven. Beaucoup de gens vont manquer le ciel. The pastors are beginning to understand. Les pasteurs commencent à comprendre. The message I'm going to give here. Le message que je vais donner ici. Just from this example. Jusqu'avec cet exemple ici. He say. Il dit. The dispensation. La dispensation. Of open heaven. Du ciel ouvert. Is right here. Et maintenant ici. And hence. Les mains. The dispensation. Ça veut dire. La dispensation. Of commercial gospel. De l'évangile commercial is over. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Alléluia. I have come to make certain announcements. Je suis venu pour faire une annonce. This is one of them. Ça c'est l'une d'elles. The dispensation of selling La dispensation de vendre. Say, I need 10 people, serious people. Je veux 5 personnes sérieuses. With a serious seed. Avec une semence sérieuse. Of 5,000 euros. De 5,000 euros. That dispensation is over. Cette dispensation est finie. Because. Parce que. You can see how much I am in a hurry. Vous pouvez voir combien je suis empressé. The train has stopped here. Le train s'est arrêté ici. And the Lord is saying. Le Seigneur dit. Train to Guyana. Says, come on board. Venez à bord. The train is about to leave. Le train va quitter bientôt. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me. Écoutez-moi. Let me get back. Laissez-moi retourner. Back to the vision. Retournez à la vision. So I saw the glory conquer the darkness. J'ai vu la gloire conquérir les ténèbres. Inside the vision. À l'intérieur de la vision. But then, alors, the Lord now began to focus me into heaven. Le Seigneur a commencé à focaliser mon attention au ciel. And when I looked inside heaven, quand j'ai regardé à l'intérieur du ciel, and I wanted to tell you, et je vais aussi vous dire, if you ever know what I know about heaven, si vous saviez ce que je sais sur le ciel, if you ever have a glimpse. Si vous avez même un clin d'œil of what I have seen in heaven, de ce que je vis au ciel, you, vous, you will make sure, vous allez tout faire, that nothing can stop you from going there. Que rien ne peut vous empêcher d'aller là-bas. Whether it's a vehicle, que ce soit des voitures, a house, une maison, a wife, une femme, a land, la vie, citizenship, la citoyenneté, job, le travail. I don't know what it is. Je sais pas c'est quoi. When you are able to know what I know, quand tu es capable de savoir ce que je sais, you will mow down those mountains. Tu vas monter ces montagnes. That you may enter. Afin que tu entres. But anyhow, mais enfin, the Lord focused me inside heaven. Le Seigneur a mis mon attention à l'intérieur du ciel. And as I was looking at the brilliance and the glamour of the glory of God. Et quand je regardais la brillance et la grandeur de la gloire de Dieu, inside heaven, à l'intérieur du ciel, and the glory inside heaven, et la gloire à l'intérieur du ciel, was moving in brilliant clusters, et ça bougeait dans une brillance en groupe, supervising heaven, en supervisant le ciel, doing its duty in heaven, et faisant sa beauté au ciel. That is the time, ça c'est le moment, when I saw something different, que j'ai vu quelque chose de différent. The Lord wanted to draw my attention to something that is different. Le Seigneur a attiré mon attention à quelque chose de différent là-bas. As the glory was supervising heaven, quand la gloire supervisait le ciel, and conducting its normal duties, et en donnant sa grande beauté, its normal duty, son occupation, sa de travailler, son travail, its work, son travail. Oui. So listen to this now. Écoutez ceci. So, alors, as the glory was going about its duty. Alors quand la gloire faisait son travail, then I saw something different. Alors j'ai vu quelque chose de différent. That thing I saw, la chose que j'ai vue, inside the brilliant glory of God, à l'intérieur de la brillante gloire de Dieu, it looked like a golden thing inside that glory. Ça ressemblait à quelque chose de d'or à l'intérieur. Golden. L'or. I saw something golden there. J'ai vu quelque chose de doré là-bas. And I realized. Et j'ai réalisé. That the more I looked at it, plus je regardais à cette chose, the more, plus it became larger. Ça devenait plus large. But when I paid attention, quand j'ai porté mon attention, then I realized, j'ai réalisé, that the reason it was becoming larger, et ça devenait de plus en plus grand, is because it was moving. Parce que ça s'est déplacé. The Lord was moving it from inside heaven. Le Seigneur l'a déplacé de l'intérieur du ciel. Towards the entrance that He had opened. Vers l'entrée qui était ouverte. So it was becoming clearer and clearer. Ça devenait de plus en plus clair, de plus en plus clair. That's why I saw it larger and larger. C'est pourquoi j'ai vu ça. De plus en plus large. Until when it reached the entrance that was open. Jusqu'à ce que ça atteint la porte qui était ouverte. Then when I looked, et quand j'ai regardé, the Lord put it right at the entrance that He opened. Le Seigneur a mis cela juste à l'entrée du ciel qui était ouverte. So when I looked, alors quand j'ai regardé, that's when I understood. C'est là que j'ai compris. I said, oh. J'ai dit, oh. They were two. C'était deux. Mighty. Puissant, powerful, très fortement, glorious, glorieuse, wedding ring, anneau de mariage. When I looked, et j'ai regardé, I was stunned, j'étais étonné, to see two mighty, powerful, glorious wedding rings he placed at the entrance to heaven. J'ai vu deux anneaux glorieux, puissants, magnifiques à l'entrée de la, du ciel. And I want to describe a little bit for a purpose. There is a reason for each. Je vais décrire un peu dans un but. Il y a une raison pour cela. So, when I looked at that thing, I found out they were two mighty, glorious, golden wedding rings. Quand j'ai regardé cette chose, c'était deux agneaux puissants, magnifiques, dorés, qui étaient là à la porte du ciel. Wedding rings. Des anneaux de mariage. Mariage. Let me describe a little bit. Laissez-moi décrire un peu. The rings were made of rich reddish brown gold. Alors, c'était fait à un or un peu rougeâtre qui était là au ciel. But at one point when I looked at the finishing of the surface. Alors quand j'ai regardé la finition de la surface, I thought, j'ai pensé that some rain has fallen on the surface. Que quelque, la pluie était tombée sur la surface. Because I saw, parce que j'ai vu, I saw as if there are droplets of water on the surface. Je voyais comme s'il y avait des drops d'eau qui étaient dessus l'anneau. Only later I understood those are not droplets of water. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas les drops d'eau. The Lord made me know. Le Seigneur m'a fait comprendre that those are fine particles of gold. C'était des particules fines de l'or that he has used finishing. Qu'il a utilisé pour faire les finitions. Beautifully finished. Pour finir ça avec une grande beauté. And each one of them. Et chacune de ces particules. Each one of the dots. Cette partie de touches d'or. If you look at the design. Le design c'est comme si it is as though they are developed into some small crowns. Each one is a crown. C'est comme si c'était chacun développé comme une petite couronne. A crown. Comme une couronne. So it was a tremendous sight to behold. C'était une vue spéciale à regarder. And I go further on to say it's a little bit some little touch of blue here and so forth. Alors il y avait des petites couleurs bleues aussi là-bas. And then look at this now. Alors regardez ici maintenant. Focus on this now. Regardez sur ça maintenant. And there is a reason I'm giving this before the revelation. Il y a une raison pourquoi je dis ces choses avant la révélation. I want you, je veux que, to know what the Lord told me when I was inside that vision about those. Que vous sachiez comprendre qu'est-ce que le Seigneur m'a dit quand j'étais dans cette vision. He made me appreciate. Il m'a fait apprécier what he has accomplished. Ce qu'il a accompli. He made me appreciate. Il m'a fait apprécier the amount of time. La quantité du temps. Each of these has a message to the church. Chacune de ces choses c'est un message pour l'église. He made me understand. Il m'a fait comprendre and appreciate. Et apprécier the amount of time. La quantité du temps that he has taken. Qu'il a pris to prepare for this event. Pour préparer pour cet événement. Number two. Deuxièmement, he made me appreciate. Il m'a fait apprécier the amount of resources. La quantité de ressources that he has been able to marshal up. Qu'il a pu pour utiliser for preparing for this event. Pour préparer pour cet événement. So each one of the things I'm telling you has a message. Alors chaque chose que je suis en train de vous décrire a un message. Even the details. Même les détails. Now look at this now. Maintenant suivez ceci maintenant. This is what the rings look like. C'est ce que je veux que vous regardiez. The rings. Les anneaux. Were round. C'était rond. Round. C'était rond. And he made me know. Il m'a fait comprendre. That these rings. Que ces anneaux. In their design. Dans leur design. If you wanted to go and look for them. Si tu veux aller et les chercher. All over the earth. Dans sur toute la terre. To every country that has gold. Si dans chaque pays qui a de l'or. Every jeweler. Tous les joailliers. Every person selling gold. Tous les personnes qui vendent de l'or. He made me know. Il m'a fait comprendre. That even if I go everywhere on the earth. Même si j'allais partout sur la terre. I will never ever find these rings. Je ne trouverai jamais ces anneaux de mariage. I cannot find them. Je ne pouvais pas les trouver. That's the first thing he made me know. Ça c'est la première chose qui m'a fait comprendre. Number two. Deuxièmement. If in the design. Dans le design. Because the design was round. Parce que le design était tout rond. Now look at this now. Écoutez-moi, suivez ceci. But when it comes to the part that shows when you wear the ring. Quand ça vient sur la partie qui au-dessus quand tu portes l'anneau. The part that shows. La partie qu'on voit au-dessus. When you wear the ring. Quand tu portes l'anneau. Again, now look at this. Regardez ceci maintenant. The rings were round. L'anneau était rond. But when it came to that part. Et quand tu viens à cette partie. It became a little bit flat. C'est devenu un peu plus plat. And then round. Alors rond. Reaching there. Arrivé au-dessus. A little bit flat. Un peu plat. And on that flat part. Dans cette partie plate. He put another type of gold. Il a mis une autre qualité d'or. A diamond-like shiny gold. Because I could see shiny on that surface. Un type d'or comme le diamant qui était brillant. Shinier gold. Ça brillait, c'est de l'or brillant. On the part that shows. C'est la partie qui brillait. Then he shows me the inside part that holds your finger. Alors il m'a montré la partie intérieure qui garde votre doigt. Do you know granite? Granite stone. Les pierres de granit. Sometimes, you know, the way the granite is prepared. Vous voyez quand les granits sont préparés. And then when it's prepared well, I want you to imagine a whitish granite, whitish. C'est un couleur blanchâtre comme ça. And then you see, it has some designs like going as if it's a crack, but it's not a crack. It's just a beautiful design doing like that around it. Ça a des designs comme si ça craque un peu, mais ça ne craque pas. It is not a crack, it's just a design. C'est juste un design qui montre comme that ça. That is how the gold inside, the inside part looked like. C'est la partie intérieure qui montrait comme ça. It was rich, yellowish gold. C'était un jaune riche d'or. But the design was radiating like this inside. Mais ça radiatait à l'intérieur comme ça. And then also he made me know aussi, il m'a fait comprendre that now church, listen to me. Maintenant, église, écoutez-moi. Now focus on this. Maintenant, focusez sur ça. He made me know il m'a fait comprendre that these rings, cet anneau, I cannot find them today. Je ne peux pas les trouver aujourd'hui. But mais, the way they are designed, la manière qu'ils sont designed, they are antique. Ils sont antiques. They are ancient. Ils sont anciens. They are old. C'est vieux. They are not modern, in ils other words. Ils ne sont pas modernes dans ce monde. Somebody understood me. Est-ce que quelqu'un m'a compris ici? In other words, en d'autres mots, he's saying, il dit, they are not postmodern. Ils ne sont pas postmodernes. These rings are ancient. They are old. Ces anneaux sont anciens, sont vieux. I want you to imagine. Je veux que vous imaginiez that you want to go and wed. Que vous voulez aller. You are a boy or you are a woman. Vous allez, or a girl. Vous êtes un garçon, vous êtes une fille. Whichever. Oui. Let's say you want to go and wed. Vous voulez aller vous marier. And then your grandfather. Alors votre grand-père gives you, vous donne a ring, un anneau that he bought in 1913. Qu'il a acheté en 1913. And he says, et dit, my son, mon fils, take this ring. Prends cet anneau and go use it. Et va utiliser cela. Or for a woman, ou bien pour une femme, your grandmother, ta grand-mère, got it from her grandmother. A reçu ça de sa grand-mère aussi. And now when your wedding has arrived, mais quand ton mariage arrive, she removes it. Elle enlève cela. Say, my daughter, et dit, ma fille, use this for your wedding. Et utilise ça pour ton mariage. You can imagine. Tu peux imaginer how original that gold is. Combien original cet or sera. No additions here and corruption here. Il y a pas d'addition ici, la corruption là-bas. You can imagine how original that gold was. Tu vas imaginer combien original est cet or. I want you to appreciate this. Je veux que vous appréciez cela. You are the church. Vous êtes l'église. I hope you are seeing the message that is flowing from beneath, right? J'espère que vous voyez le message qui coule déjà de là. I hope you are listening to the message that is flowing under the bridge slowly. Je crois que vous êtes en train de saisir. The underpinnings. I am speaking this, but there is a message being delivered to the church. Yeah. Je parle ici, mais il y a un message qui est délivré à l'église en dessous. He's saying. Il est en train de dire. That the mighty powerful wedding rings of heaven. La puissance anneau de mariage au ciel. That the church will wear. Que l'église va porter. They are antique. Elles sont antiques, ces alliances. They are old. C'est vieux. Ancient. C'est ancien. They are not modern. Ce n'est pas moderne. They are original. C'est originel. They are not contaminated. Ce n'est pas contaminé. The design is innocent. Le design est innocent. Because these days you get another design here, put another thing here. Oh, the rings, the rings are too busy. No. The rings are very busy. L'anneau est très chargé. Très chargé. He's saying, il dit, and you know, he made me know. Il m'a fait comprendre. Because he did this. Il a fait ceci. When he brought the wedding rings at the entrance. Quand il a amené les deux anneaux de mariage à l'entrée. He began to flip them in opposite direction. Il a commencé à les tourner dans le sens opposé. Like this. Comme ça. Comme ça là. Comme ça là. When this one goes this way, this one goes. Quand l'autre va comme ça. Slowly. Doucement. Slowly, this one, this way. Doucement. And I later understood the purpose. Et Plus tard, j'ai compris la raison pour laquelle. The reason he did that. La raison qu'il a fait cela. He wanted me to see everything about the design and the detail. Il a voulu que je puisse voir toutes choses au sujet des détails et du design. That one day, qu'un jour, I may stand before the nation of the French Guiana. Que je peux me mettre debout devant la nation de la Guyane française. And bless them with this. Et bénir cette nation avec ça. He knew that if I get the detail, il savait que si j'ai les détails, he knows I will go with it and tell him. Il sait, j'irai et vous le direz. And then after that, après cela, then finally, et finalement, first of all, before I go to the next part, avant que j'aille à l'autre temps, pastors, I hope you understand the message. Est-ce que les pasteurs vous comprenez le message? He's saying, il est en train de dire, the ancient rings, là les anneaux anciens, the old rings, l'alliance ancienne. Very old, ancient. Très vieux, très ancien. So you can almost understand what he's saying to the church. Vous pouvez déjà comprendre qu'est-ce qu'il dit à l'église. You can almost feel the longing of his heart. Tu veux voir le désir de son cœur. I am looking for my first love. Je cherche mon premier amour. No. No. Me, I just want it the way it was in the beginning. Moi, je veux comment c'était au commencement. I'm looking for the primitive church. Je cherche l'église primitive. The church where homosexuality was sin. L'église où l'homosexualité était un péché. That church. Cette église là. The church. L'église where everything. Là où toutes choses. Their life. Leur vie. Their preaching. Leur prédication. Testimony. Leur témoignage. Their food. Leur nourriture. Their dreams. Leurs rêves. Were centered. Étaient centrés. Their ministry. Leur ministère. Were centered. Étaient centrés. On the cross. Sur la croix. Et le sang. You can understand what the Lord is saying. Before I give the revelation. Vous pouvez comprendre ce que le Seigneur dit avant que je donne la révélation. Oh. I am glad. Je suis content. The Lord called me. Que le Seigneur m'a appelé from the rurals of Africa. De milieu rural de l'Afrique. Because today people teach a modern gospel. Parce que aujourd'hui les gens prêchent un message moderne. Yeah. Oui. Évangile moderne. L'évangile moderne. L'évangile de Cayenne. L'évangile de Cayenne. De New York. De New York. De Paris. De Paris. De Marseille. De Marseille. They are preaching it. Ils prêchent cela. But I bring you. Mais je vous amène. The old gospel. L'évangile ancien. The original. L'original. The cross. La croix. And the blood. Et le sang. Oh yes. How we? Hallelujah. You understand why I've come? Vous comprenez pourquoi je suis venu? Hallelujah. I tell you. Je vous dis. There is going to be a conversation. Il y aura une conversation. Direct with the church. Direct avec l'église. From God to church. De Dieu à l'église. Time out. Time out. Yes. Oui. That's why I came. C'est pourquoi je suis venu. That's why you see, I do not come. Je suis pas venu. Oh. To tell you sweet stories. Vous raconter des histoires succulentes. How God removed me from poverty to wealth. Comment Dieu m'a sorti de la pauvreté à la richesse. You can tell I don't have time. Vous pouvez voir que je n'ai pas le temps pour ça. Oh, okay. Let's do an offering. Let's do a quick offering here. Oh non, faisons une offrande rapide ici. No. No. Because they asked me. Parce qu'ils m'ont demandé. Man of God, you are rebuking money. L'homme de Dieu, tu réprimandes l'argent. All over the earth. Partout sur la terre. But how do you provide? How do you provide for yourself? Mais comment est-ce que tu pourvois tes propres besoins? And I said. Je leur ai dit. God has not yet died. Je n'ai pas encore mort. And then. Alors. In other words. En d'autres mots. And I said. J'ai dit. The God of Israel. Le Dieu d'Israël. Is still alive. Il est toujours vivant. On this day. En ce jour. Don't panic. Ne paniquez pas. Pastors. Pasteur. God does not intend to humiliate you. Dieu n'a pas eu l'intention de vous humilier. But please. Mais s'il vous plaît. Don't ever. Ne faites jamais. Corrupt this gospel. Ne corrompre cet évangile. Because you want to meet a need. Parce que vous avez rencontré un besoin. Never. Non, ne faites pas ça. Never ever. Jamais, jamais, jamais. If you want transport, just kneel down and pray. Si vous avez besoin de transport, mettez-vous à genoux, priez. If you want school fees for your children, vous avez besoin de l'argent pour l'école des enfants. You cannot touch this word. Ne touchez pas cette parole. this word, cette parole, is the only instrument, c'est le seul instrument, that has power, qui a la puissance, to take a human being, prendre un être humain, from the earth, de la terre, into heaven, jusqu'au ciel. Don't touch it. Ne le touchez pas. Because you have a need. Parce que vous avez un besoin quelconque. I have given that example. J'ai donné cet exemple. Because I want to encourage the pastors. Parce que je veux dire aux pasteurs. For me, God has not yet humiliated me. Pour moi, Dieu ne m'a jamais encore humilié. Coming from the villages of Africa. Venant des villages de l'Afrique. I have continued to live a life of adventure. Every time he surprises me. Je continue à vivre une vie d'aventure. Chaque fois, il me surprend. But can I move on now? Est-ce que je peux avancer maintenant? So, alors, he was tilting the wedding rings. Il tournait les anneaux de mariage. And I could tell. Je pouvais dire that he was desiring the old. Et le design était ancien. The ancient. C'était ancien. The original. C'était l'original. The uncontaminated. The incontaminé. Not contaminated. Non contaminé. And then, alors. After that, après cela, the voice spoke. La voix a parlé. What did the voice say? Qu'est-ce que la voix a dit? The voice from heaven said. La voix du ciel a dit. From today on. À partir d'aujourd'hui et après. All authority. Toute autorité. In heaven. Dans le ciel. And authority. Et l'autorité. On the earth. Sur la terre. Has been given to Christ Jesus. A été donné à Jésus Christ. I think I've finished the message. Je pense que j'ai fini le message. Pitch darkness. Les ténèbres épais. The heaven opens. Le ciel s'ouvre. The glory of power comes. La gloire puissante descend. Chase away darkness. Et chasse les ténèbres. Meaning preparing the way. En fait, préparant le chemin. And when chasing darkness. Et quand il a chassé les ténèbres. Then the event is announced. Alors les événements sont annoncés. And when he puts that announcement up there, the rings. Quand il a mis cet événement là, les anneaux de mariage. Then he says. Alors il dit. From today on. À partir d'aujourd'hui. All authority. Toute autorité. In heaven. Dans le ciel. And authority on the earth. Et l'autorité sur la terre. Has been given to Christ Jesus. A été donné à Jésus Christ. So now, alors maintenant, even if I went, si je pars, you begin to understand. Vous commencez à comprendre. Number one, premièrement, that wow, wow, that was the physical representation. Ça c'était une représentation physique of the authority of Christ. De l'autorité du Christ. Number two, deuxièmement, he has announced. Il a annoncé. We are now beginning to live. Nous commençons à vivre under the dispensation of the authority of Christ. Sous la dispensation de l'autorité de Christ. You can put many things. Tu peux mettre beaucoup de choses. Even if I left. Si, même si je pars. Ah. Hallelujah. I told you. Je vous ai dit. If we want food. Si nous avons besoin de la nourriture. Let us just kneel down and say, Lord, give me food. Mettons-nous à genoux. Dites au Seigneur, Seigneur, donne-moi la nourriture. But don't touch this. Mais ne touchez pas à ça. Don't. Non, ne touchez pas. Because he's saying. Parce qu'il dit. There is a new dispensation. Il y a une nouvelle dispensation. And in that dispensation. Dans cette dispensation. Heaven is open. Le ciel est ouvert. And he has announced the authority. Il a annoncé l'autorité. Can I move on? Est-ce que je peux avancer? So I give the revelation. Afin que je donne la révélation. After that, a small silence again. Après cela, un petit silence encore. And then after the voice spoke. Après cela, la voix parlait. A second time. La deuxième fois. What did the voice of the Lord say? Qu'est-ce que la voix du Seigneur a dit? He said. Il dit, look and see. Regarde et vois. Who is seated on the white horse? Qui est assis sur le cheval blanc? And I remember. Et je me rappelle. When I looked above the two wedding rings. Quand j'ai regardé au-dessus des deux anneaux de mariage. Inside heaven. À l'intérieur du ciel. Then I saw. Alors j'ai vu. The most powerful. La plus puissante. The most mighty. La plus grande puissante. Glorious white horse of heaven. Glorieuse puissante cheval blanc du ciel. White horse. Cheval blanc. Of heaven. Du ciel. Very big. He's not a normal horse. Ce n'est pas un cheval normal. Huge horse. Très grand. Just that you may know. Afin que vous puissiez savoir. Don't trivialize him and think he's normal. Ne pas faire ce que vous voyez normal. Very huge horse. Très très grand. Indeed, very huge. Très grand ce cheval. But let me move on. Mais laissez-moi avancer. He said, look and see. Regarde et vois. Who is seated on the white horse? Qui est assis sur le cheval blanc? And I remember. Et je me rappelle. That when I looked at the white horse inside heaven. Quand j'ai regardé au cheval blanc à l'intérieur du ciel. I did not understand the message. Je n'avais pas compris le message. I did not. Je n'avais pas compris. When I looked, I did not understand. Quand j'ai regardé, je n'avais pas compris le message. Until jusqu'à ce que I saw the behavior of the horse. J'ai vu le comportement de cheval. That's what. Oh, now I understand. Oh, maintenant j'ai compris. Why? Pourquoi? Because. Parce que the powerful white horse of heaven. Le puissant cheval blanc du ciel. When I looked at him. Quand je lui ai regardé. This is what he did. Regarde ce qu'il faisait. He was taking his front legs. Il prenait ses pieds de devant. And he was doing this. Il faisait ceci. Il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Lifting two legs sometimes. Il soulevait les deux au même moment. Et les down, and then wagging the tail. Et puis, il bougeait sa queue comme ça là. And crying. Et criait. Il criait. And doing that. Et faisait les pieds comme ça. And at one point, à un point, he left. Il a quitté comme ça. Là. He left like this around there. Il a quitté tout autour là-bas. Then I understood. Alors j'ai compris. I said, hey. J'ai dit, hey. Look, look. I said to myself. Je me suis dit à moi-même. He is about to be released. Il est prêt d'être relâché. Ah. I saw him. Je l'ai vu. And I knew. Et je suis. That any moment he's going to be released. À n'importe quel moment il sera relâché. In fact. En fait. It made my heart panic. Ça fait mon cœur paniquer un peu. After that I woke. Après cela je me suis réveillé. Ah. What a tremendous vision to behold. Quelle vision extraordinaire de saisir. For those who are hungry and thirsty. Pour ceux qui ont faim et soif. The floodgates of heaven are open. Les portes et les ciels sont ouverts. He will come and fill your hunger. Il va venir et remplir ta faim. And your thirst. Et ta soif. The river of life. La rivière de la is vie. Is going to flow in your heart. Va couler dans ton cœur. Hallelujah. Now focus on me now. Regardez vers moi maintenant. When the Lord spoke with me. Quand le Seigneur a parlé avec moi. About the coming of the Messiah. Sur la venue du Messie. And showed me. Il m'a montré. The vision of the two glorious wedding rings in the sky. La vision de deux anneaux d'or glorieuses au ciel. What is the message to the church in French Guiana? Quel est le message pour l'église en Guyane française? That's where I want to start giving the message. C'est là où je vais commencer à donner le message aujourd'hui. Listen, precious people. Écoutez, peuple précieux. Can you allow me? Pouvez-vous me permettre to go through some 5-6 points with you? Aller sur 4-5 points avec vous. Just to make sure. D'être sûr that all of us are at the same level before I launch the revelation. Que tous ensemble nous sommes au même niveau avant que je donne le message. Will you allow me? Est-ce que vous me permettez cela? Why? Pourquoi? Because of the current condition of the church. À cause de la condition actuelle de l'église. It is important for me. C'est important pour moi. Not to assume. De ne pas assumer. To make sure I bring everybody on board. Être sûr que j'amène tout le monde à bord. On the same page. Sur la même page. Then launch the revelation. Même amener le message de la révélation. So point number one. Le point numéro un. And each of these points. Et chacun de ces points. When I mention them. Quand je les mentionne. You are going to see two things. Vous allez voir deux choses. You are going to understand the message. Vous allez comprendre le message que j'amène. From the wedding rings. Des anneaux de mariage. And you are also going to understand. Vous allez aussi comprendre. Why the church in this nation has fallen. Pourquoi l'église dans cette nation est tombée. From each of these points. À partir de chacun de ces points. Can I start? Est-ce que je peux commencer? Point number one. Le point numéro un. Every time the Lord Jehovah speaks, chaque fois que l'Éternel Dieu parle, every time, chaque fois, the Lord, que le Seigneur speaks, qu'il parle, you and I, vous et moi, we must find it in the Bible. On doit trouver cela dans la Bible. Hey, oui, hey, hey, hey. You are going to understand. Vous allez comprendre. Where the rain started beating us from. Pourquoi? D'où est-ce que la pluie a commencé à nous frapper? Started beating us. A commencé à nous frapper. Where the church went wrong from. D'où est-ce que l'église est mal partie? You are going to understand why the church has fallen. Vous allez comprendre pourquoi l'église est tombée. To start teaching the things of the world. Commencer à prêcher les choses de ce monde. To start teaching for survival, for stomach, gospel. Prêchant les choses pour survivre sur la terre. Evangel de stomaco. L'évangile de l'estomac. No. Non. You are going to understand where we went wrong. Vous allez comprendre où est-ce que nous sommes partis mal. You are going to understand. Vous allez comprendre. from which place, à quelle place we started admitting the false prophets. Nous avons commencé à admettre les faux prophètes and the false apostles. Et les faux apôtres. And there are many fools in this country. Et ils sont nombreux dans ce pays. And they come. Et ils viennent. And they raid you. If you this, they attack the church. Ils attaquent l'église. They assault the church. Et ils vendent l'église. After that, après cela, they harvest the loot, the money. Ils prennent l'argent. And they go. They don't look back. Et ils s'en vont. Ils ne regardent même pas derrière. You are going to understand. Vous allez comprendre. Where we admitted them from. D'où est-ce que nous avons admis ces gens? Because he said. Parce qu'il dit. Number one. Premièrement. Every time Jehovah speaks, chaque fois que l'Éternel parle, you and I, vous et moi, must find it in the Bible. On va trouver cela dans la Bible. In other words, en d'autres mots, when somebody comes, si quelqu'un vient, and says, et dit, that here, hey, oh, Jehovah has spoken with me. Le Seigneur a parlé avec moi. I am apostle. Je suis apôtre. I am prophet. Je suis prophète. And he says, et dit, the problem is, le problème est, the church, l'église, has not bothered. N'a pas arrivé au bord. The church has not endeavored. L'église n'est pas arrivée à bord. The church has not taken that message. L'église n'a pas pris ce message. And put it in the Bible. Et les a pas mis dans la Bible. As the balance. Comme une balance. To see. Pour voir. If it can weigh. Est-ce que ça a un poids? Hallelujah. I bring the truth of God. J'amène la vérité de Dieu. Today the truth has come. Aujourd'hui la vérité est arrivée. This is a beautiful nation. Ça c'est un pays merveilleux. You cannot let the devil take it away. On peut pas laisser le diable prendre cette nation. The devil has never created the forests. Le diable n'a jamais créé la forêt. He has never created rain. Il n'a jamais créé la pluie. The devil has never brought peace. Il n'a jamais amené la paix. He has brought war. Il a amené la guerre. But peace he has not brought. Mais la paix n'a jamais the devil donné. Cannot bring security. Il ne peut pas donner la sécurité. The devil has never given you food. Le diable n'a jamais donné la nourriture. Or health. Ou bien la bonne santé. We must learn to appreciate the Lord in this nation. On doit apprendre à apprécier le Seigneur dans cette nation. Hallelujah. Hallelujah. Number one. Numéro un. He says. Il dit. Every time the Lord speaks. Chaque fois que l'Éternel parle. Or somebody comes and says, the Lord has spoken with me. Et quelqu'un vient et vous dit, le Seigneur a parlé avec moi. He's saying. Il dit. That you and I. Que vous et moi. We must make sure. On doit être sûr. That that word. Que cette parole. Lines up with scripture. S'aligne avec les écritures. Comme ça. Parfaitement. Parfaitement. Parfaitement. Parfaitement. Not less. Pas moins. Hein? Such that, ça veut dire, he's saying, il dit, I'm still on number one. Je suis toujours numéro un. Such that, à part ça, if somebody comes, si quelqu'un vient, and says, oh, the Lord has spoken. Il dit, oh, le Seigneur a parlé. And you and I, et vous et moi, we don't find it here. On ne voit pas ça dans la Bible. Then we can dismiss it. Alors, on peut le and say, et dit, that the Lord has not spoken. Le Seigneur n'a pas parlé avec toi. The moment of truth, le moment de vérité, has arrived. Est arrivé. I am glad I came. Je suis content que je suis venu. Because this type of message, parce que ce genre de message, is so powerful. C'est tellement puissant. You cannot sell it. Tu ne peux pas le vendre. It is unsellable. C'est invendable. You cannot give it a market price. Tu ne peux pas mettre ça dans un lieu de marché. In the way I know the Church of Christ globally now. Et la manière que je vois l'église de Jésus globalement maintenant. And some of your kings, et certains de vos rois. Your kings of your gospel. Les rois de vos évangiles. Of your gospel. Of votre évangile. If they got this. S'ils prennent ça. Oh boy. Oh boy. They would have made some good money. Ils vont faire beaucoup d'argent avec ça. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Oh oui. That's why I'm glad. C'est pourquoi je suis content. He gave it to me free. Il m'a donné ça gratuitement. So I can bring it free. Afin que je donne gratuitement. So, alors, the poor, les points, and the rich, et les riches, can both access it. Ils peuvent tous avoir accès à cela. So the high, les élevés, and the low, et les bas, can both receive. Ils peuvent tous recevoir cela. Because sometimes they will say, oh, He is holding a special dinner in a 5-star hotel. Des fois, ils disent, oh, il est en train d'avoir un dîner spécial dans un hôtel de 5 étoiles. We hear et on a entendu that he's going to release a special message. Il va libérer un message spécial là-bas. And entry, because you know the nature of the servant, entry is 5,000 euros minimum. Alors, because we need only 20 people. L'entrée, c'est 5,000 euros minimal. Alors, on a forcément besoin de 20 personnes là-bas. You know what I'm talking vous about. Savez de quoi je parle. You cannot claim not to know. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. That's why the Lord sent me here. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé ici. With the broom in my hand. Avec le balai dans ma main. To sweep. Et de balayer. And clean up. Et de nettoyer. The house. La maison. Listen to me now. Écoutez-moi maintenant. Number one. Numéro un. That every time the Lord speaks. Chaque fois que Dieu parle. The Bible is the reference. La Bible, c'est la référence. That when we go there, que nous allons là-bas, and find it there, et nous trouvons ça là-bas, then even the revelation, the message is there. Même la révélation, le message est là-dedans. Number two. Numéro deux. Every time the Lord Jehovah speaks, chaque fois que l'Éternel Jéhovah parle, when you listen carefully, quand tu fais attentivement, even when you go back the Bible, même quand tu retournes dans la Bible, and you hear Jeremiah, et tu écoutes Jérémie, Ezekiel, Ezekiel, Isaiah, Esaïe, Amos, Amos, all the prophets, tous les prophètes, when God spoke, quand tu as parlé, number two, numéro deux, every time the Lord speaks, chaque fois que l'Éternel parle, even in the Bible, même dans la Bible, when you listen carefully, quand tu attends attentivement, you will hear, tu vas entendre. Holy Saint, Holy Saint, Holy Saint, be holy. Soyez saint, because I am holy. Parce que je suis saint. Holy Saint, Holy Saint, Holy Saint, be holy. Soyez saint, for I am holy. Parce que je suis saint. Ezekiel, Ezekiel, Isaiah, Esaïe, Amos, Amos, Daniel, Daniel, everybody, tout le monde. So when, quand, when did we start receiving the sweet message? Quand est-ce que nous avons commencé à recevoir le message succulent? That accommodates sin. Qui accommode le péché? What went wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Why hasn't the church? Pourquoi est-ce que l'église use discernment? N'a pas utilisé le discernement. That's why. C'est pourquoi liars, les menteurs, have come to you, sont venus vers vous, and harvested your pockets, et vous ont pris, ont moissonné vos poches. Today, aujourd'hui, from today on, à partir d'aujourd'hui, nobody will ever lie to you again. Personne ne viendra encore vous mentir ici. It is finished. C'est fini. Oh. But listen to me now. Mais suivez-moi maintenant. So number two, you have seen, right? Numéro deux, vous avez vu. He says, il dit, whichever scripture you open, peu importe l'écriture qui est ouverte, you will always hear the Lord. Vous allez toujours entendre le Seigneur. Holy, saint, holy, saint, holy, saint, be holy. Soyez saint. For I am holy. Parce que je suis saint. Meaning, ça veut dire, every time the Lord speaks, chaque fois que l'Éternel parle, he must always, il doit toujours, centralize, centraliser, the holiness of God, la sainteté de Dieu, in the church, dans l'église. So you can almost know the revelation I'm going to give from the wedding. Vous allez comprendre déjà la révélation que je vais donner sur les anneaux de mariage. You can almost see it now. Vous pouvez commencer à voir ça déjà maintenant. Alléluia. Alléluia. From these points, you can see that, oh, now I understand the message of the rings. À partir de ce point, si vous déjà comprendre, oh, je comprends le message des anneaux de mariage. Number three. Numéro trois. Every time the Lord Jehovah speaks, chaque fois que l'Éternel Jehovah parle, if you listen carefully, si vous attendez attentivement, one of them says, l'une d'elles dit, to Amos, à Amos, he says, go and marry the prostitute. Va épouse une prostituée. He says to Jeremiah. Il dit à Jérémie. Go to the valley of Ben Hinnom. Va dans la vallée de Ben Hinnom. And lift your prophetic finger and speak to the house of the Lord. Et soulève ton doigt prophétique vers la maison du Seigneur. And tell the house of the Lord. Et dis à la maison du Seigneur. Look. Et regardez. Why can't I do with you a new thing like this potter are doing here? Pourquoi je ne peux pas faire une chose comme le potier fait maintenant? Why can't I break you into small pieces and build another pot? Pourquoi je ne peux pas te briser en petits morceaux et faire un autre pot? When you listen to Isaiah, quand tu écoutes Esaïe, he cut Isaiah. Il a coupé l'habit d'Isaïe. He cut his cloth. Il a coupé son habit. And Isaiah walked naked for 3 years. Et Isaïe a marché nu pendant 3 ans. In the eyes of Israel. Aux yeux d'Israël. Meaning. Ça veut dire. Israel, Israel. Israël, Israël. Be careful. Fais attention. I am going to expose you naked. Je vais t'exposer nu. In the eyes of the nations. Aux yeux des nations. If you don't repent. Si tu ne te repens pas. When he spoke with Jeremiah. Quand il a parlé à Jérémie. When he spoke with who? Qu'il a parlé à qui? Number three. Numéro 3. Every time the Lord Jehovah speaks. Chaque fois que le Téléphone Jehovah parle. When you listen. Quand tu écoutes. You will always hear. Tu vas toujours voir. The Lord Jehovah. Le Téléphone Jehovah. Rebuking. Sin. Reprendre le péché. Finished. C'est fini. Rebuking sin. Réprimandant le péché. Ah. Oh. Jeremiah. Jérémie. Isaiah. Esaïe. Ezekiel. Ezekiel. Amos. Amos. Malachi. Malachi. Everybody. Tout le monde. He is always rebuking sin. Il a toujours réprimandé le péché. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Because. Parce que. He loves you. Parce qu'il vous aime. Because. Parce que. He loves his people. Il aime son peuple. Meaning. Ça veut dire. This was the road. Ça c'est le chemin. But now you have taken another road. Maintenant vous avez pris un autre chemin. He must rebuke you. Il doit vous reprendre. Meaning. Ça veut dire. Return you. Vous ramener. To this road. Sur ce chemin ici. This destination, notre destination ici, is different from this destination. Est différent de la destination qui est ici. Listen again. Écoutez ceci. He says, "My sheep have gone astray." Il dit, mes brebis se sont égarées. Meaning they were walking on the road I put them on. Ils marchaient avant sur la route où je les avais mis. Going home. Allant à la maison. But the tragedy is this. Mais la tragédie est celle-ci. With the sheep. Avec les brebis. They always walk. Ils marchent comme ça. And when they go astray, quand ils vont de côté, and follow another road, et prennent notre chemin, they always still think they're going home. Ils pensent toujours qu'ils partent à la maison. They still think they're going home. Ils pensent toujours qu'ils continuent à aller à la maison. You must stop them and say, hey, back. Tu dois les arrêter, dire, hey, non, revenez par ici. There is a devourer there. Il y a un dévoreur là-bas. This one leads to home. L'autre ici conduit à la maison. Safety. La sécurité. Protection. La protection. Blessing. La bénédiction. But this one, mais l'autre ici, the wild lions, les lions sauvages, and leopards, les léopards, and the snakes, the big snakes, et les grands serpents, they are waiting there. Ils attendent là-bas. Devourers. Les dévoreurs. When will you arrive? Quand tu vas arriver? The destinations are two. Il y a deux destinations. Different destinations. Différentes destinations. That's why the Lord has brought me here. C'est pourquoi le Seigneur m'a amené ici. To tell you. Vous dire. That the destinations are two. Il y a deux destinations. When you go astray, quand vous sortez dehors, you end up in another destination. Vous allez arriver à une autre destination. Unless somebody come with force and return. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne avec force et vous ramène sur le bon chemin. Without partiality. Sans partialité. Without compromise. Number four. Numéro 4 maintenant. Because I am helping you to know how to separate yourself from false apostles and false prophets. Je suis en train de vous aider à comment vous séparer des faux prophètes et des faux apôtres. And false messages. Et des faux messagers. And he's saying. Il dit. Every time the Lord speaks. Chaque fois que le Seigneur parle. Number four. Numéro 4. Every time the Lord speaks. Chaque fois que le Seigneur parle. Whether in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. Or in the New Testament. Ou dans le Nouveau Testament. This is what you must hear. C'est ce que vous devez voir. You must hear three words. Vous allez voir trois choses. Separation. Separation. Separation. Separation. Separation. Separation. Ah, Separation from sin. Separation du péché. Separation from the world. Separation du monde. Separation from flesh. La séparation de la chair. Separation from postmodernism. La séparation du postmodernisme. Separation. La séparation. Separation. Séparation. Separation. Séparation. Even Israel. Même Israël. Say no, you are special people. Non, vous êtes un peuple spécial. Remember how I redeemed you from Egypt. Rappelez-vous, je vous ai racheté de l'Égypte. He's telling the church. Il dit à l'église. No. Non. You are special people. Vous êtes un peuple spécial. Remember how I redeemed you on the cross. Rappelez-vous, je vous ai comment je vous ai racheté à partir de la croix. You don't look like them. Vous ne les ressemblez no, pas. No, no, no. No, no, no, no. Separate out. Séparez-vous de ça. If they are wearing miniskirts. Si ils portent des mini-jupes. And they are showing their nakedness. Et montrent leur nudité. You don't do that. Non, vous ne le faites pas. No, no, no. No, no, no, no. Because for you. Parce que vous. vous, your body, votre corps, is the holy temple of the Holy Spirit. Le Saint Temple du Saint Esprit. Number 5, right? Numéro 5. Every time the Lord speaks, chaque fois que le Seigneur parle, when you listen carefully, quand tu attends attentivement, you will always hear the Lord. Tu entends toujours le Seigneur. Building the kingdom of God in the church. Il est toujours en train de bâtir le royaume de Dieu dans l'église. Building the kingdom of God in the church. Bâtissant le royaume de Dieu dans l'église. Every time the Lord speaks, chaque fois que le Seigneur parle, you will never ever hear him. Vous ne l'entendrez jamais, jamais, jamais. Building the kingdom of man in the church. Le royaume des hommes dans l'église. Building the kingdom of the world. Oh, le royaume du monde. In the church. Dans l'église. No. No, no, no, no. That is not my God. Ça, c'est pas mon Dieu. If your God is busy building, si votre Dieu est en train de bâtir the kingdom of the world, le royaume de ce monde, in your church, dans votre église, then you and I, alors vous et moi, must be worshipping two different gods. On doit être en train d'adorer deux dieux différents. But if you worship the holy God of Israel, mais si tu adores le Saint Israël, he will never ever, il ne fera jamais, jamais, build the kingdom of flesh, bâtir le royaume de la chair, in the church, dans l'église. Another point, un autre point. Every time the Lord speaks, chaque fois que le Seigneur parle, when you listen, quand tu écoutes, you will always hear, tu vas toujours entendre, even in the Old Testament, même dans l'Ancien Testament, look, look, regarde, regarde. The coming Messiah. Le Messie revient. So that you may prepare. Afin que tu te prépares. Let me explain this to you. Laissez-moi expliquer ceci. In the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. When the snakes were biting them. Quand les serpents mordaient, les mordaient. Because of sin. À cause du péché. He told Moses. Il dit à Moïse. Take the bronze snake. Prends le serpent de reins. And hang on the wood. Et attache ça au bois. That if somebody is beaten by a snake. Quand quelqu'un est mordu par le serpent. And they look at that snake et quand on the wood. Regarde à ce serpent sur le bois. That snake on the cross. Ce serpent sur la croix. Then they will not die. Alors ils ne mourront pas. But have eternal life. Ils auront la vie éternelle. I have said it already. Je l'ai déjà dit ici. He said. Il dit. That if they are beaten by a snake, s'ils sont mordus par un serpent, and they focus on this bronze snake on the wood, et regardent à ce serpent de bronze sur le bois, they will not die. Ils ne mourront pas. But they will live. Mais ils vivront. And when Jesus came, et quand Jésus est venu, in John chapter 3, dans Jean chapitre 3, from verse 14 to 16, à partir des versets 14 à 16, the Lord Jesus said, le Seigneur Jésus a dit, just as Moses hung the bronze serpent, comme Moïse a élevé le serpent de reins, on the wood, sur le bois, so shall the Son of Man, ainsi le Fils de l'homme, be hanged on the wood, sera pendu au bois, whosoever, avec quiconque, will focus on him, va regarder à lui, will never perish, ne périra pas, but see eternal life, mais il verra la vie éternelle. Ah, oh, it made me understand, ça me fait comprendre, that when Moses was speaking this act, quand Moïse disait ces choses, so he was speaking about the Messiah. Il parlait du Messie. Exodus chapter 12. Exode chapitre 12. Verse 5 to 7. Verset 5 à 7. When Moses was telling Israel. Quand Moïse disait à Israël. When the midnight hour is near. Quand l'heure de minuit approche. Take the perfect lamb. Prends le brebis parfait. Without defect. Sans défaut. And slaughter. Égorge-le. And take the perfect blood. Et prends le sang parfait. Of the perfect lamb. De l'agneau parfait. Without defect. Sans défaut. And sprinkle on your doorpost. Et mets ça sur le poteau de la maison. And then he said also. Alors il a dit aussi. Later. Plus tard. On Yom Kippur. Alors, le jour de Yom Kippur. The high priest. Le grand prêtre. Take the perfect blood. Prends le sang parfait. Of the perfect lamb. De l'agneau parfait. Without defect. Sans défaut. And enter with it into the Holy of Holies. Entre ça dans le Saint des Saints. And pour it on the altar. Et repasse ça sur l'autel. On the mercy seat. Sur le propitiatoire. On the mercy seat. Sur le propitiatoire. Then it will atone for the sins of men. Alors ça va faire la rédemption des péchés des hommes. In Israel. En Israël. So now I understand. Maintenant je comprends. It was the Messiah he was talking about. C'est du Messie qu'il parlait. So in other words. En d'autres mots. Every time the Lord speaks. Chaque fois que l'Éternel parle. If you listen carefully. Si tu entends attentivement. You will hear. Tu vas entendre. Look, look. Regarde, regarde. The coming Messiah. Le Messie revient. Prepare the way. Préparez le chemin. There are many other points. Il y a beaucoup d'autres points. I want to end here. Je vais m'arrêter là. Because I think we are now together. Parce que je pense maintenant nous sommes ensemble. So now I can give the revelation. Maintenant je peux donner la révélation. Because from this point, à partir de ce point, you can now see why the church became vulnerable to corruption. Pourquoi l'église est devenue vulnérable jusqu'à la corruption? Anybody walked in and said the Lord has told me. N'importe qui arrive en disant Dieu m'a parlé. How dare you? Comment est-ce possible? Everybody walked in and said I am apostle. N'importe qui arrive, je suis un apôtre. Apostle. Apôtre. Then I want to look into the Bible. Alors je dois vérifier dans la Bible. And see what the apostles look. Et voir comment les apôtres sont dans la Bible. I can wait. Afin que je vérifie. I am a prophet. Je suis un prophète. No, then I have to go to the Bible. Non, je dois aller dans la Bible. And say, how does it work? Oh, comment ça marche? Let me wait. Laisse-moi balancer. The moment of truth. Le moment de vérité. Has arrived in French Guiana. Est arrivé en Guyane française. You will become a better people. Vous devenez de meilleurs peuples. A repentant people. Un peuple repenti. An easier people to live with. C'est les gens faciles à vivre avec. They stop crime. Ils arrêtent le crime. They stop sin. Ils arrêtent le péché. They become a good nation. Ils deviennent un bon, une bonne nation. Hallelujah. Can I give the revelation now? Est-ce que je peux donner la révélation maintenant? The revelation, the message from the vision of the two wedding rings in the sky. La révélation, le message de deux anneaux de mariage dans le ciel. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. One time. Une fois. When the Lord Jesus had resurrected, quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, he took all his disciples, il a pris tous ses disciples, and he went with them behind the eastern gate of Jerusalem. Il est allé avec eux derrière la porte de l'est de Jérusalem. And then he climbed the Mount of Olives. Alors il est monté le montagne des Oliviers. And he went to the eastern slopes. Il est parti dans la partie est qui descend. In a place called Bethany. À un endroit appelé Bethany. He stood there. Il s'est mis debout là. And then he lifted his nail-pierced hands like this. Alors il a élevé ses mains qui étaient percées comme ça. To bless them. Pour les bénir. And when he did so. Et quand il a fait cela. A cloud came. Une nuée est venue. And took him away. Et l'a emporté. And covered him into heaven. Et l'a couvert au ciel. A cloud. Avec la nuée. And because they were used to him. Parce qu'ils étaient habitués à lui. Their teacher. Leur enseignant. Rabbi. Les rabbis, our everlasting Father. Notre Père éternel. Wow, he has resurrected, he has come back. Oh, il est ressuscité, il est revenu. Our defender. Notre défenseur. Everything. Toutes choses. When he left. Quand il a quitté. They were shocked. Ils étaient choqués. They were like, ils étaient comme ça. Then two appeared. Alors deux sont apparus. Dressed in pure white. Habillés en pur blanc. And they said. Ils ont dit. Men of Galilee. Hommes de Galilée. Why do you look so intently like this? Pourquoi gardez-vous les regards comme ça en haut? Know ye not? Ne savez-vous pas? That this same Jesus, que ce même Jésus, who has been taken away from you, qui est retiré de vous, will come back. Il reviendra. In the same way. De la même manière. The Bible promises that the Messiah would come back. La Bible a promis que le Messie reviendra. But when you go to the Bible, mais quand tu vas dans la Bible, you find two coming back. Tu vois deux retours. Revelation chapter 1 verse 7. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Revelation chapter 1 verse 7. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Everybody turn with me there. Allez avec moi là-bas. Revelation chapter 1 verse 7. Apocalypse chapitre 1 verset 7. You are going to be shocked. Vous allez être choqué. The mini skirts. Les mini jupes. The short skirts. Les mini jupes. Or the tight trousers and tight skirts. Ou les pantalons serrés ou attrapés. Of women in the church. Avec les femmes dans l'église. It's going to end today. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. And never ever to come back. Et ne revenir jamais. There is going to be something here. Il y aura quelque chose ici. That is going to cause what we call a significant transformation in your life. Ça va causer une transformation significative dans votre vie. Ah. Hallelujah! This is it. C'est ça maintenant. Can I read? Est-ce que je peux lire? Revelation chapter 1 verse 7. Apocalypse 1 verset 7. He says. Il dit. Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Revelation 16, 15. Apocalypse 16, verset 15. 16, 15. Apocalypse 16, verset 15. Now, he says this. It is ceci. Behold, I come like a thief. Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Those are two comings. Ces deux arrivées, des retours. The question is, la question est, which coming of the Messiah, de quel retour du Messie, have I come to announce? Est-ce que je suis venu annoncer? In this vision here. Dans cette vision ici. I have come to announce, je suis venu annoncer, the coming of the Messiah, le retour du Messie, when he comes at the midnight hour, quand il revient à l'heure de minuit, like a thief, comme un voleur. I want us to be on the same page. Je veux qu'on soit sur la même page. Now, maintenant, you hear some people calling that coming. Vous allez écouter les gens appeler ce retour at the midnight hour. À l'heure de minuit, they say it is the return of the Lord. Le retour du Seigneur. That's all right. C'est bon. Some people say, d'autres disent, the day of rapture. Le jour de l'enlèvement. That's all right. C'est bon aussi. Some people say, d'autres disent, the coming of Christ. La venue du Christ. There are many ways. Il y a plusieurs manières. People describe it. Que les gens décrivent cela. But I want to say something. Mais je veux dire ceci. The same thing I said. Il y a des choses que j'ai dit. That when the Lord speaks, quand le Seigneur parle, must find it in the Bible. On doit trouver ça dans la Bible. So I want to say this. Je veux dire ceci. If you read the Bible, si vous lisez la Bible, the Bible calls it. La Bible appelle cela. The Bible calls it. La Bible appelle cela. The day of the wedding of the Lamb of God. Le jour des noces de l'agneau. I said you must line it up with Scripture. Je dis que vous devez aligner ça avec les Écritures. Now once we know, alors dès que nous savons where the Scripture is, où est-ce que l'Écriture est, then from there we can get the message to the French Guiana. Alors là, prendre le message pour la Guyane française. Hallelujah. Amen. So turn with me. Tournez avec moi to the Scripture that celebrates the day of the wedding of the Lamb. Sur l'Écriture qui célèbre le jour des noces de l'agneau de Dieu. Pastors. Pasteur, I am teaching you here. Je vous enseigne ici. Always make sure. Soyez toujours sûr. When you teach, quand vous enseignez, you are anchored on the word. Vous êtes ancré dans la parole. This comedy you give, stop it. Cette comédie que vous faites dans l'église, arrêtez ça. Pocketing before God. Mettre la main dans la poche devant Dieu. You know, if you talk to psychologists, si vous parlez avec les psychologues, people that study body language, les gens qui ont étudié le langage du corps, they say, you see, when somebody is pocketing, quand quelqu'un met sa main dans la poche comme ça, they say, familiar. Il est familier. Their bodies, they are equals. Ils sont comme ils sont when égales. When somebody is talking to you and pocketing, quand quelqu'un parle avec vous avec la main dans la poche, no, no, no, no, no, no. This is the Lord. Ça c'est le Seigneur. You cannot be familiar with him. Tu peux pas être familier avec lui. For me, every time he speaks with me. Pour moi, chaque fois qu'il parle avec moi. Let me say this. Laisse-moi dire ceci. I remember the first time I heard the voice of God the Father. Je me rappelle la première fois que j'ai écouté la voix de Dieu le Père. When I was giving now the prophecy of the first Asian tsunami. Quand on m'avait donné la prophétie de la première tsunami de l'Asie. And he finished by saying, and they shall know that the Lord God has spoken. Et il a fini en disant, alors ils sauront que l'Éternel Dieu a parlé. I remember when I woke up. Je me rappelle quand je me suis réveillé. I was walking and collapsing. Je me réveillais et puis je m'écroulais. And collapsing. Et je m'écroulais. It is not a joke. Ce n'est pas une blague. This is the Lord. Ça c'est le Seigneur. That you are serving. Que vous êtes en train de servir. So you cannot pocket. Alors vous ne pouvez pas mettre la main dans la poche. Let us begin to teach the fear of the Lord from the pulpit. Commençons à prêcher la crainte de Dieu à partir de pupitre. But let me move on now. Mais avançons encore. Let us go. Allons-y. To the book of Revelation chapter 19. Dans Apocalypse chapitre 19. The scripture that celebrates the day of the wedding of the Lamb. L'écriture qui célèbre le jour des noces de l'agneau de Dieu. Then I'll give you the message to the French Guiana. Alors je vais donner le message à la Guyane française. Revelation 19 verses 6 to verse 9. Only 3. Apocalypse chapitre 19 verset 6 au verset 9. Seulement 3 versets. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Hallelujah, car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne. before I move on. Avant que j'avance, I want you to understand this. Je veux que vous compreniez ceci. He's saying, il dit, that when you go to the scripture, quand vous allez dans les écritures, that celebrates the day that these wedding rings are announcing. Qui célèbre le jour où ces anneaux de mariage sont annoncés. The day of the wedding of the Lamb. Le jour des noces de l'agneau de the Dieu. The first thing you hear, la première chose que vous entendez, is historic celebration. C'est une célébration historique. Historic felicitation. C'est une félicité historique. Historic jubilation. Il y a une jubilée historique. Meaning, ça veut dire, right away from the first scripture you read, immédiatement à la première écriture que vous lisez, regarding that day, concernant ce jour, it makes you right away understand. Ça vous fait comprendre immédiatement that this day, que ce jour, in the calendar of God, dans le calendrier de Dieu, must be, doit être the most important day in heaven, dans le jour le plus important au ciel de Dieu. Most important, le plus important. Because he says, parce qu'il dit, he's describing historic celebration. Il décrit une célébration historique. Like loud peals of thunder. Comme un bruit de grosses eaux. Like the roar of rushing water. Comme les eaux qui grondent. Like grand multitude. Comme une grande multitude. Meaning millions upon millions. Ça veut dire des millions après des millions. They are celebrating. Ils sont en train de célébrer. And if you listen to what they are saying. Et si tu écoutes ce qu'ils disent. As they celebrate. Comme ils sont en train de célébrer. Listen to what they are saying. Écoutez ce qu'ils disent. They are saying. It is that wow. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Now I know. Maintenant je sais. That the Lord our God. Que le Seigneur notre Dieu. He surely reigns. Il doit régner maintenant. Ah. Hallelujah. He's saying. Il dit. In that verse. Only this verse. Juste à ce verset seulement. He makes you understand. Il te fait comprendre. That day. Que ce jour là. It seems like that is the day. C'est comme si c'est le jour that affirms, qui affirme, confirms, qui confirme, and stamps, et met le cachet, and certifies, et certifie, that surely, que certainement, the Lord our God, le Seigneur notre Dieu, He reigns, il règne. Ah, ah. What a day! Quel jour! So in verse 6, au verset 6, you right away see. The gravity of the day. Tu vois la gravité de ce jour-là. And that tells me. Ça me dit. We don't have a chance to see. Nous avons pas la chance de voir. But if we were allowed. Mais si on était permis. You know, for me, he shares with me quite a lot of secrets. Alors, pour moi, il partage avec moi beaucoup de secrets. In fact, so much. En fait, beaucoup tellement. Which I don't give. Que je ne donne pas. Until he allows me. Jusqu'à ce qu'il va me le permettre. So much, there is so much. Il y a tellement de choses. When I'm giving this message, there is so much I know else which I've not said. Il y a beaucoup de choses que je connais à partir de ceci que je ne vais pas partager encore. But what I want to say is, mais ce que je veux dire, c'est ceci. If you were allowed to check on the calendar of God the Father, si tu étais autorisé de vérifier l'agenda de Dieu le Père, of God the Father, de Dieu le Père, and the Bible says, not even the angels, not even the Messiah knows the day. Même les anges, ni le Messie ne connaissent pas ce jour. Nobody knows the day or hour. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Meaning, ça veut dire, this conversation, cette conversation, that is announcing to the church, qu'il est en train d'annoncer à l'église, la church, l'église, hey, hey, look, regarde, the rings are now ready. Les anneaux maintenant sont prêts. This announcement, cette annonce, is actually coming, ça vient en fait, from God the Father, de Dieu le Père, directement to the church, directement à l'église. Because only God the Father, parce qu'il y a que Dieu le Père, knows when the preparations are finalized, qui connaît quand est-ce que les préparations vont être finalisées. If there is going to be a wedding in this, s'il y aura un mariage ici. A young girl, a young man. Un jeune garçon, une jeune fille. They talk to the pastor. Ils parlent au pasteur. They do premarital counseling. Ils font les enseignements de pré-mariage. And then test HIV. Et ils font les tests de sida, de toutes les choses. No more things. Teach them the biblical basis of marriage. On leur donne les enseignements bibliques sur le mariage. And all that. Et toutes ces choses. And then when the day is near. Alors quand le jour approche. Then normally the pastor makes the first announcement. Alors le pasteur fait la première annonce. And then the second announcement. Et la deuxième annonce. But when he's about to make the third and final announcement. Et quand il est sur le point de faire le troisième et la dernière annonce. That Sunday. Ce dimanche là. He will call the young men to the office. Il va appeler le jeune garçon dans le bureau. He will tell him. Il va lui dire. Are you aware that I'm going to make the final announcement there? Est-ce que tu... I'm going from here. Tu sais qu'à partir d'ici, I'm going to walk straight to the altar. Je vais aller directement sur l'autel. And do it and make the announcement. Et faire l'annonce finale. The third and final. Le troisième et le dernier. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Sometimes your knees are shaking a bit. Des fois tes jambes tremblent un peu. I don't know how it's Je sais pas. I don't know. Je sais pas. But listen to this now. Mais écoute ceci. Are you ready? I'm going to announce. Est-ce que tu es prêt? Maintenant, je vais annoncer. I can only assume that the young men sometimes will tremble a bit. Je peux seulement assumer que les jeunes garçons vont un peu trembler maintenant. This thing is finally going to happen. Est-ce que la chose vraiment va maintenant arriver? But listen to this. Mais écoutez ceci. What I want to bring to you is this. C'est ce que je veux vous amener, c'est ceci. When the young man says, "Yes, I am ready." Quand le jeune homme va dire au pasteur, oui, je suis prêt. Then the pastor normally says, ah non, le pasteur normalement dit, have you found the rings? Avez-vous trouvé les anneaux de mariage? And when the young man says, yes, I have found the rings. Alors, si le jeune garçon dit, oui, j'ai les anneaux de mariage. Then the pastor says, can you put them in my hand? Et le pasteur dit, est-ce que tu peux mettre ça dans mes mains maintenant? When the pastor has seen the rings, quand le pasteur voit les anneaux de mariage, when the pastor has held the rings in his hand, quand il tient dans ses mains les anneaux de mariage, whether you tell him an earthquake has happened next door, même si on lui dit qu'il y a un tremblement de terre à côté de l'autre porte, this wedding must now take place. Ce mariage maintenant doit arriver. It means that the preparations for this wedding have been finalized. Ça veut dire que les préparations pour ce mariage ont été finalisées. So he comes here, he makes the announcement. Alors il vient ici, il fait l'annonce. No questions. Il n'y a pas de questions. Pass. Move on. He announces, next weekend is the wedding. Et il annonce, le prochain weekend, c'est le mariage. So, alors, only God the Father, il n'y a que Dieu le Père, can know, qui peut savoir, the state of preparedness of heaven, l'état de la préparation du ciel. And you can see now, et tu peux voir maintenant, that when he presented those rings, quand il a présenté ces deux anneaux de mariage, was essentially saying, il disait essentiellement, that look, regardez, the preparations, les préparations, for that spiritual event, sur cet événement spirituel, have been finalized here, ont été finalisés ici. In other words, he was sending me to ask the French Guiana a question. Et en d'autres mots, il m'a demandé de demander à Guyane française la question. The French Guiana. La Guyane française. He was sending me to ask you. Il m'a envoyé pour vous demander. That preparations. La préparation. In heaven. Au ciel. Have been finalized. Ça a été finalisé. How about you? Qu'en est-il pour vous ici? Have you finalized? Avez-vous finalisé vous your aussi? Preparation? Votre préparation. Because when he shows me the rings, quand il m'a montré les anneaux de it mariage, means ça veut dire that spiritual heavenly event, cet événement spirituel, heavenly event, cet événement spirituel, can happen, ne peut arriver any time from now, à n'importe quel moment maintenant. Did you understand why I say? Vous comprenez pourquoi j'ai dit? It comes late to you. Et ça vient tard vers vous. So when we need to work, we should work quickly. On doit maintenant travailler rapidement. So you understood? Vous comprenez? But when you go to the scripture that describes it, quand tu vas dans l'écriture qui décrit cela, before we get to the central theme, central message in that scripture, avant que on rentre dans les messages principal, dans le thème central, the first thing that hits you, la première chose qui vous frappe, is the historic celebration of that day. C'est la célébration historique de ce jour-là. And he says, alors il dit, it is the day that confirms. C'est le jour qui confirme that surely the Lord our God, que sûrement notre Seigneur Dieu, he reigns. Il règne. Why? Pourquoi? Because the Messiah, parce que le Messie, left his glory. Il a quitté sa gloire in heaven, au ciel, and came to the earth. Il est venu sur la terre, and he brought his glorious feet. Il a amené ses glorieux pieds on our dusty road. Sur notre route remplie de poussière. One time, une fois, I took this message to Mexico. J'ai amené ce message au Mexico. And then it was 17th of May. I remember that day. C'était le 17 mai. 17th May 2004. Le 17 mai 2004. At night I saw the mighty vision of the Lord. La nuit j'ai vu une grande vision de Dieu. I know everything, by the way. Je connais toutes choses en fait. I know the words the archangel will say. I have. Je connais, j'ai entendu les paroles que l'archange va prononcer. Archangel. L'archange. So when I am giving this, there is so much I'm not saying. Il y a, quand je donne ceci, il y a beaucoup que je ne donne pas. This day will take place. Ce jour prendra place. I need to get to Russia, Ukraine, whatever. I need je dois to aller get en Russie, en Ukraine, partout. Today, aujourd'hui, it is being discussed here. C'est discuté ici. Catch it. Saisissez cela. Catch it. Saisissez cela. Even if I don't come back. Même si je ne reviens pas. Catch it and enter. Saisissez cela et puis entrez. Listen. Écoutez. In that tremendous vision at night. Dans cette vision extraordinaire dans la nuit. Of May 17th. Du 17 mai. Everything happened. The trumpet, the voice of the archangel, the shout of God, everything happened. Toute chose est arrivée. Les trompettes, la voix de l'archange, tout est sorti de là. And listen what happened. Et regardez ce qui est arrivé. And then. Alors. The Lord walked out of heaven. Le Seigneur est sorti marchant au ciel. On the right hand side of the sky. Du côté droit du ciel. And what I want to describe is this. Je vais décrire ceci. I hope you are mature enough to pick some of this. Je crois que vous êtes assez mature pour saisir. I saw even the red shash, the red cloth that runs from his shoulder. J'ai vu même le vêtement rouge qui descend de son épaule. That runs from his right shoulder like this down this. Qui descend de son épaule droit, qui descend vers le bas. And I saw even the crown. J'ai même vu la couronne. I want to announce this. Je vais vous annoncer ceci. When Jesus came up through Bethlehem, quand Jésus est venu à partir de Bethléem, he came like a baby. Il est venu comme un bébé. And he was abused. Il était abusé. You abused him. You said everything. On l'a frappé, on l'a abusé, on a fait toutes choses avec lui. But this time around, mais cette fois-ci, he has a crown. Il a une couronne. I have seen it. J'ai vu cela. He is not coming. Il ne revient pas to be abused. D'être encore abusé. If you look at the events of his coming, quand tu regardes les événements de son retour, it is big celebration and pomp, and it is a victorious king is coming. C'est victorious un, king. Un roi victorieux qui revient. Un roi triomphant qui revient. He's coming very different. Il vient différemment. When he came in Bethlehem, he was meek. Quand il est venu à Bethlehem, il était faible. He was meek. Il était faible. You could abuse him. Tu pouvais l'abuser. But if you look at this description, mais quand tu revois cette description, he's coming with full pomp and color. Il vient avec toute la force, full et la authority and triumph. Toute la puissance, la he's triumph. Coming as a victorious king. Il vient comme un roi victorieux. But what I saw in the vision is this. Mais ce que j'ai vu dans la vision, c'est ceci. When he appeared there, quand il est apparu là, then immediately he took his right hand. Immédiatement il a pris sa main gauche, the nail pierced, la main qui était percée, and he did to me like this. Il a fait comme ça envers moi. And after he did that, quand il a fait ça, he took the same hand, il a pris la même main, and he prepared the crown like this. Et il a préparé la couronne comme ça. And then he turned to his right. Alors il a tourné vers sa droite. And the Lord, alors le Seigneur, tremendous, de façon merveilleuse, the Lord walked. From that side towards the left hand side of the sky. Il est parti de cette partie droite jusqu'au côté gauche comme ça. What I want to bring to your attention. Ce que je veux attirer votre attention, c'est quoi? What amazed me so much. Ce qui m'a étonné beaucoup, is that when he walked, quand il a marché, as he walked across, quand il marchait par là-bas, I could see where he has come from. Je pouvais voir d'où il est venu. That every place, que chaque endroit, where his foot had stepped like this, là où son pied a marché comme ça, remained a footprint, est resté une empreinte. De gloire. I look all the way where je pouvais voir partout où il est passé. And then when he reached the end, quand il est arrivé à la fin, he turned and faced me. Il s'est tourné, il m'a regardé. And he took the other hand. Il a pris l'autre main. And then he showed me like this. Il m'a montré comme ça. The other nail pierced. L'autre main qui était percée. I was liking it. I liked that presence. J'ai aimé cette présence. And in my heart, et dans mon cœur, I was telling him, je me disais, Lord, take me with you. Oh Seigneur, prends-moi avec toi. And I heard as if he answered me. Et j'ai entendu comme s'il me répondait. And he said, your time is not yet. Ton temps n'est pas encore arrivé. But what shocked me is this. Mais ce qui m'a choqué, c'est ceci. When you had shown me like this from the other end, montré comme ça à notre bout là-bas. Then he turned like this. Il s'est tourné comme ça. And he looked down. Il a regardé vers le bas. And he walked right into heaven like this. Il a marché dans le ciel comme ça. And the cloud covered. Et la nuée l'a couvert. And I said, ah! I almost cried. Et je dis, oh! Et j'ai presque pleuré. But before waking up, mais avant de me réveiller, I looked back. J'ai regardé. And I could see glory. Je voyais gloire everywhere. Partout où il a posé ses pieds, il y avait la gloire derrière. And then I woke up. Et puis je me suis réveillé. What is the message? Quel est le message? I was saying, je disais, that the reason there is such a historic celebration for that day, la raison pour laquelle il y a une célébration tellement historique pour ce jour-là, when that day arrives, quand ce jour arrive, is because, c'est parce que, the darling of heaven, la perle du ciel, the amor de cielo, le monde du ciel, the son of God, le fils de Dieu, the king of all glory, le roi de toute gloire, left heaven, il a quitté le ciel, with his glory, avec sa gloire, and he brought his glorious feet, il a mené ses pieds glorieux, and he walked on our dusty road, il a marché dans nos rues pleines de poussière, and we abused him, et on l'a abusé, he walked our dusty road, il a marché sur nos rues de poussière, and heaven, et le ciel, did not have him for all that time, ne lui a manqué pendant tout ce temps, his feet. Il s'est assis. Was empty for all the time. Son siège au ciel était vide depuis le temps. Alors, the very ones he came to redeem, les mêmes personnes qu'il est venu racheter, rejected him, l'ont rejeté, abused him, l'ont abusé, and murdered him, et on l'a tué, in the worst way ever, d'une manière très mauvaise. And ever since he finished, et comme il a fini, if you read the book of Zachariah, je n'ai pas le temps, si vous lisez le livre de Zacharie, he says that when he gets up there, quand il est monté là-bas, then they ask him, on lui demande, where did you get these wounds from? Où as-tu eu ces plaies sur toi? He says, il dit, I will say, il dit, I visited my friend's house. J'ai visité la maison de mes amis. I got them from there. Je l'ai eu là-bas chez eux. The Bible says, la Bible dit, the perfect Lamb of God, l'agneau parfait de Dieu, without defect, sans défaut, only he, seulement lui, has no defect, no sin, n'a pas de péché, pas de défaut, no defect, pas de défaut, only he could die for the sins of the whole world. Il n'y a que lui qui peut mourir pour les péchés du monde entier. Now, maintenant, I always wonder, je me suis toujours demandé, why he shows me the nail marks, pourquoi il m'a montré les marques des clous. Could it be, c'est peut-être, that the Lord is telling me, que le Seigneur me disait, run, run, run to French Guiana. Cours, cours vers la Guyane française. And stand at the altar. Et mets-toi debout devant l'autel. And ask them. Et pose-leur la question. Look. Regarde. Why have you forgotten this? Pourquoi vous avez oublié ça? Why have you forgotten so soon? Pourquoi vous avez vite oublié ça? Look. Regardez. For me. Pour moi. I have not yet forgotten. Je n'ai pas encore oublié cela. It was so traumatic. C'était tellement dramatique. Could it be that he was so traumatized? Est-ce que c'était qu'il était tellement traumatisé? That every time he meets me, que chaque fois qu'il me rencontre, that's the first thing he shows. C'est la première chose qu'il me montre. Could it be that he is saying? Est-ce serait qu'il disait? That look, regardez. That time, à ce temps-là, I was the perfect Lamb of God. J'étais l'agneau parfait de Dieu. Without defect. Sans défaut. And I could go and die for you. Et je pouvais aller et mourir pour but vous. But now, when I look at the church in French Guiana, maintenant quand je regarde à l'église en Guyane française, I see as if she's crying out for a second Calvary. C'est comme si je les entends pleurer pour un deuxième calvaire. She's crying for second deliverance. Elle demande une deuxième délivrance. It is true I love her. C'est vrai que je l'aime. If I were told to go and do it for her again, si on me disait d'aller et de mourir encore pour elle, I am ready. I will do it. Je suis prêt. Je peux faire encore. Because I love her. Parce que je l'aime. Because she's saying. Parce qu'elle dit. Lord. Seigneur, look, we are in the church. Regarde, nous sommes dans l'église. But we are not yet delivered from sin. Mais nous sommes pas encore délivrés du péché. We are still wearing tight trousers to show our anatomy. Nous sommes toujours en train de porter les pantalons serrés pour montrer notre anatomie. We are still showing our breasts in nous the church. Nous montrons toujours nos seins à l'église. We are still having abortions in the church. Nous continuons à avoir les avortements dans l'église. We are still having immorality and adultery in the church. Nous continuons à avoir l'immoralité et l'adultère dans l'église. We are still having pregnancies in the church. On continue à avoir des grossesses avec les hommes dans l'église. We are still having homosexuality in the church. On continue à avoir l'homosexualité dans l'église. Lord, look. Seigneur, regarde. We are in French Guiana. Nous sommes en Guyane française. Born again. Né de nouveau. But look, we are not yet delivered. Mais regarde, nous sommes pas encore délivrés. No, no, no. Return him to the cross. Non, return non, non. Him. Retournez-le à la croix. Retournez-le à la croix. Look, the first Calvary is not enough. Mais regarde, la première le premier calvaire n'est pas assez. Could it be true? Est-ce que ce serait that the Messiah, by showing me que this, le Seigneur me montrait ces choses, was telling me to come to you, et me disait de revenir vers and vous, tell you, et de vous dire that he loves you, qu'il vous aime, if he's told to go back, si on lui dit de retourner, he would go back without a question, il va aller sans question, but he's saying, mais il dit that look, regarde, now I have defect, maintenant j'ai des défauts, I cannot qualify to go, je suis pas qualifié pour aller. Look, now I have scars. Maintenant j'ai des cicatrices. Look how they injured me. Regarde comment on m'a blessé. Even if I want to go, I can't. Même si je veux aller, je ne pourrai pas. Can you run and tell them? Est-ce que tu peux courir et leur dire? that I cannot go back a second time. Que je ne peux pas retourner la deuxième fois. Let them just be delivered by the first calvary. Qu'ils soient seulement délivrés avec le premier calvaire. Could it be that that's the message? Est-ce que ce serait ça le message? That now he has been deformed. Maintenant qu'il est déformé, he has been defected. Il a été défait. And now he's saying, look, look, look. Maintenant il dit, regardez, regardez. I have been bruised. J'étais brutalisé. Now look, I cannot qualify. Regarde, je ne peux plus être qualifié. Could it be he was telling me? Ce serait ce qu'il me disait. Go and ask. Va leur demander. That every time I look at the church, que chaque fois que je regarde à l'église, my tears flow like this. Mes larmes coulent comme ça. Okay, let me give a very deep understanding of this. Laissez-moi vous donner une compréhension profonde de ça. And I'm not going to explain. Et je ne vais pas expliquer. And it's very deep. Mais c'est très profond. Could it be that tears flow on his left? Est-ce que ce serait que l'œil coule de son œil gauche? When he looks at the condition of the church. Quand il regarde la condition de l'église. And he's telling me. Et il me dit. Run, cours, cours et dites-le. That the abuse I see all over me. Les abus, je vois ça dans tout mon corps. But where is the church? Mais où est l'église? For which I paid such a heavy price. Pour qui j'ai payé un prix si pesant? Run and tell them. Cours et dites-leur. That when I look at the church. Quand je regarde l'église. I weep. Je pleure. I weep. Je pleure. And I ask. Et je demande. I say, the abuse I can see. Je vois les abus sur mon corps. They really hated me. Oh, ils m'ont vraiment frappé. These people really abused me. Oh, les gens m'ont vraiment abusé. But where is the church? Mais où est l'église? Where is the church for which I paid such a horrendous price? Où est l'église pour qui j'ai payé un prix si grave? Could it be that the Lord was telling me? Est-ce serait que le Seigneur me disait? From up there in that vision. Là au ciel dans cette vision. That look, look, look. Que regarde, regarde, regarde. Up here, en haut ici, the only thing in heaven, la seule chose au ciel, that is man-made, qui est manageable, the only thing in heaven that is made by man, la seule chose au ciel qui est faite par les hommes, that is made by man, qui est faite par les hommes, is these things I have up here. C'est les choses que j'ai ici en haut, les marques. Could it be the reputation of men up there? Est-ce que ce serait la réputation des hommes là-bas? Could it be that he was telling me, go tell them that look up here, the only thing that is man-made are these things they did to me all over my body. Que ici au ciel, la seule chose qui est faite par les hommes, ce sont les marques de blessures que j'ai ici avec moi. And when they will ask him, et je lui demande, where did you get these wounds from? Où est-ce que tu as eu ces blessures? He will, because he left his friends down here. Parce qu'il a laissé ses amis en bas ici. Peter. Pierre, John, Jean, he left his friends in Bethany. Il a laissé ses amis à Bethléem. See these marks. Il dit ces marques ici. I actually went. I visited my friend's house. En fait, j'ai visité la maison de mes amis. Down there. En bas là-bas. I got these marks from them. Et j'ai eu ces marques là-bas. When you read the book of Psalms 22. Quand tu lis le livre de Psaume 22. You weep. Tu vas pleurer. For me, I wept when the Lord showed me how Jesus was crucified. Quand le Seigneur m'a montré comment Jésus était crucifié. I wept for 3 months. J'ai pleuré pendant 3 mois. Non-stop. Sans s'arrêter. And that is the day. Ça c'est le jour. I quit my job. J'ai démissionné de mon travail. And told the Lord. Et j'ai dit au Seigneur. I'm now going to serve. Maintenant je vais commencer à te servir. I wept for 3 months and j'ai collapsed. Pleuré pendant 3 mois en m'écroulant. And collapsed. Et je m'écroulais. I almost ran into accident when I was driving. J'ai même failli avoir un accident. I used to weep until my voice disappeared. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma voix partait. What we did to Jesus. Ce que nous avons fait à Jésus. But how? Mais comment? How can the church? Comment est-ce que l'église? Now look like the world. Mais ressemble maintenant au monde. Do you understand now? Comprenez-vous maintenant? Why heaven celebrates? Pourquoi le ciel célèbre? Because he's saying. Parce qu'il dit. That when that day arrives. Quand ce jour arrive. Since Jesus went up. Depuis que Jésus est monté au ciel. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. When he came. Quand il est venu. the marks of the abuse they can see. Les marques des abus on peut voir. Seated on the right hand side of the Father. Assis à la droite du Père. But where is the fruit of the cross? Mais où est le fruit de la croix? And he's saying. Et il dit. Because on that day. À cause de ce jour. That is the day. Ça c'est le jour. When the bride of Christ, the Holy Church of Christ. Là où l'épouse de Christ, la sainte église de Christ. Will finally enter the kingdom of God. Finalement entrer dans le royaume de Dieu. That is why the celebration is historic. C'est pourquoi la célébration est historique. Because when they remember the abuse. Quand ils se rappellent des abus. And finally they will see the fruit of the cross. Et finalement ils voient le fruit de la croix. The Holy Church. Toute l'église. Then heaven will celebrate. La sainte église, alors le ciel va célébrer. Did you understand the history? Est-ce que vous comprenez l'histoire ici? Pastors. Pasteur. Did you understand the reason this day is of the highest gravity? Vous voyez pourquoi ce jour a une grande gravité? Because if you fail to deliver your church to heaven. Parce que si vous manquez de faire monter votre église au ciel. The devil laughed when Jesus was on the cross. Le diable a ri quand Jésus était à la croix. And humiliated him. Et il l'a humilié. If you fail to enter, si vous échouez d'entrer, Jesus, Jésus, will be humiliated a second time. Il sera humilié la deuxième fois. Do you understand? Vous me comprenez? Can we go to the message? Alors, est-ce que vous pouvez aller dans le message? Verse 7 is the message. Le verset 7 c'est le message. Revelation 19 verse 7. Apocalypse 19 verset 7. And he says, et il dit, let us rejoice and be glad and give him glory for the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Did you understand me? Vous me comprenez? Now, maintenant, I demonstrated to you. Je vous ai démontré the gravity of how special that day is. La gravité de comment spécial est ce jour-là. But now when we read verse 7, mais quand nous arrivons au verset 7, then you really understand the underlying reason for the historic celebration. Là vous comprenez les raisons principales pourquoi ce jour était célébré. You get the principal reason for that historic vous celebration. Vous savez les raisons principales pourquoi ce jour était célébré. Because he's saying, parce qu'il dit, that the reason they were celebrating like that, la raison pour laquelle ils célébraient comme ça, is because when the day arrived, quand le jour est arrivé, and they look at the church, et regardent vers l'église, they will find she is ready. On voit qu'elle est prête. Then they will celebrate. Alors ils commencent à célébrer. It also means, ça veut dire aussi, that when the day arrives, quand le jour arrive, and the bride is not ready, et que l'épouse n'est pas prête, there will be historic tristesse, historic sadness in heaven. Il y aura une tristesse historique, une tristesse terrible au ciel. Have you understood now? Vous me comprenez maintenant? The church is ready. The day has arrived. The church is ready. L'église est prête. Quand on regarde, l'église est prête. But how does heaven know that the church is ready? Mais comment est-ce que le ciel sait que l'église est prête? Now look at this now. Maintenant regardez ceci maintenant. Verse 8 is the message to the church in French Guiana. Le verset 8 est le message pour la Guyane française. How do they know? Comment ils savent? Verse 8. Verset 8. They say, fine linen, bright and clean was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Fine linen. Le fin lin. Bright and clean. Pur et éclatant. And he's saying. Et il dit. That when the day arrives. Quand le jour arrive. And they check on the church. Et on vérifie l'église. And they find she's ready. Et on voit qu'elle est prête. But how do they know she's ready? Mais comment ils savent qu'elle est prête? Meaning. Ça veut dire. They look. Ils regardent. And they find. Ils voient. That she is wearing. Qu'elle porte. Fine linen. Le fin lin. Bright and clean. Éclatant et pur. Celebration. On célèbre. What is the message? Quel est le message? That means the Lord is telling me. Ça veut dire que le Seigneur dit that after he has shown me those wedding rings. Après qu'il m'a montré ces deux anneaux de mariage. Remember they are spiritual wedding rings. Ce sont les anneaux spirituels. They are not physical. Ce n'est pas physique. They are heavenly. C'est céleste. They represent an event. Ça représente un événement. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. He's saying. Il dit that after he shows them to me. Après qu'il les a montrés à and moi. I come here. Quand je viens ici. He's saying. Il dit I ought to stand before you. Je dois me tenir devant vous. And announce. Et annoncer. That hey church, hey église, in French Guiana, ici en Guyane française, are you aware? Êtes-vous au courant that this dispensation. Que cette dispensation is the dispensation. Est la dispensation of the garment of the Lord. Des vêtements du Seigneur. In other words, ça veut dire Church of Christ in French Guiana. Église de Christ en Guyane française. Are you aware? Êtes-vous au courant that this generation, que cette génération ici, is the generation, est la génération of the garment of Jehovah, des vêtements de l'Éternel. In other words, à d'autres mots, he's saying, il dit, Church of Christ in French Guiana, Église de Christ en Guyane française. Are you aware? Êtes-vous au courant that this church, que cette église, this current church, cette église actuelle, is the church of the garment, est l'église des vêtements. Meaning, ça veut dire, you are the church that prepares the garment. Vous êtes l'église qui prépare sa venue. You are the generation that prepares the garment. C'est, vous êtes la génération qui prépare sa venue. Meaning, he's saying, il veut dire, that look, regardez. When the prophets of old, quand les anciens prophètes, in the Bible, dans la Bible, when they saw, quand ils ont vu, in their holy oracles, dans les oracles saints, they write, ils ont écrit, when they saw this dispensation, quand ils ont vu cette dispensation, and some of them wept, certains d'entre eux ont pleuré, said, oh how I wish, oh combien je voudrais, I could live, que je pourrais vivre, to see that dispensation. De voir cette dispensation. To see that generation. De voir cette génération. To see that congregation. De voir cette congrégation. The congregation. La congrégation. That prepares the garment of the Lord. Qui prépare le vêtement du Seigneur. The congregation. La congrégation. That prepares the way of the Lord. Qui prépare le chemin du Seigneur. The dispensation. La dispensation. The congregation. La congrégation. That prepares. Qui prépare. To receive the Messiah. De recevoir le Messie. And he says, alors il dit, he says, il dit, that the fine linen, le fin lin, stands for righteousness. C'est la droiture, la justice. Ah. Oh. Meaning, ça veut dire, he has sent me here, il m'a envoyé ici, to announce to the church, d'annoncer à l'église, that this is the hour, ça c'est l'heure, for righteousness, c'est la justice, in salvation, et dans le salut, to sit in front here, de me tenir devant ici, with a short skirt, avec le mini jupe, and lift the leg like that, et soulever l'autre jambe, that is not righteous. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Excuse me. Excusez-moi. My daughters, do you hear me? Mes filles, est-ce que vous m'entendez ici? He says, il dit, there are certain parameters, il y a certains paramètres, that when you see, que quand tu vois, then you know that this person, que tu sais que cette personne, is wearing fine linen, il porte un fin linen, bright and clean, éclatant et pur. It is not an announcement a pastor will make you. C'est pas une annonce qu'un pasteur mettra ici. There has to be a manifestation in your salvation. Il doit y avoir une manifestation dans votre salut. The Lord is saying, le Seigneur dit, that I should come to you, je dois venir vers vous, and announce to you, et vous annoncer, that this is the hour, que ça c'est l'heure, of righteousness, de la justice, at the pulpit, dans le pupitre devant ici, pastors preaching and lasting at girls, les pasteurs qui prêchent et qui convoitent les filles, flirting around with girls, et flirtant avec les filles, and the wife is complaining, et la femme se complaint, se plaint. Il dit, that dispensation, cette dispensation, is finished, c'est terminé. Yes, he's saying, il dit, that the dispensation of righteousness, la dispensation de la justice, begins with the pulpit, commence avec le pupitre. The sheep are always faithful, les brebis sont toujours fidèles. It is possible, c'est possible, for the Holy Spirit, que le Saint-Esprit, to help the church, d'aider l'église, to live holy, de vivre dans la sainteté. It's possible, c'est possible. He's saying, il dit, that the message of the wedding rings in the sky, le message des anneaux de mariage dans le ciel, they are essentially announcing to the nations. Elle annonce essentiellement aux nations. They announce it to French Guiana today. Elle annonce à la Guyane française aujourd'hui. That hey, prepare, prépare. This is the kingdom. Ça c'est le royaume. of righteousness. C'est la justice. Without it, you will not enter. Sans cela, tu n'entreras pas. The Bible says. La Bible dit. If you want to understand the gravity of what I'm saying. Si tu veux comprendre la gravité de ce que je dis. Make every effort to live in peace with all men. Fais tous vos efforts de vivre en paix avec tous les hommes. And to be holy. Et d'être saint. For. Parce que. Without holiness. Sans la sanctification. Nobody. Personne. Nobody. Personne. Will see. Ne verra le Seigneur. Now you understand. Maintenant vous comprenez. The Lord is saying. Le Seigneur dit. That when they are wedding rings. Quand ils ont les anneaux de mariage. There must be a garment. Il doit y avoir un vêtement. That garment was purchased in Isaiah 53. Ce vêtement était acheté à Isaïe 53. You see the price of purchasing. The pain he went through. Vous voyez le prix qu'il a payé. Isaiah 53. Isaïe 53. And Psalm 22. Et Psalm 22. When he's crying to the Father in Psalm 22. Quand il crie vers le Père en Psalm 22. My Father, my Father. Mon Dieu, look. Regarde. They have pierced my feet. Ils ont percé mes pieds. They have also pierced my hands. Ils ont aussi percé mes mains. And they have taken my clothes. Ils ont pris mes vêtements. They are doing lotto. Ils ont fait la loterie. The bulls of Bashan. Les bulles de Bashan. Have surrounded me. Ils m'ont entouré. But you, God, please don't abandon me. Mais toi, mon Dieu, ne m'abandonne pas. I know I have always trusted in you. Je n'ai que confiance à toi seul. I know you have never abandoned me. Je sais que tu m'as jamais abandonné. Because right now, parce que maintenant, I'm just like a worm. Je suis comme un ver de terre. They trampled me. Ils marchent sur moi. They are mocking me. Ils se moquent de moi. I cry to you, my Lord. Je crie à toi, mon Dieu. Please help me. Viens m'aider. And he told them. Et leur a dit, help me. Aide-moi. They were there. Ils étaient là. They l'ont percé. And he lost a lot of fluids. Et beaucoup d'eau sont sortis. And he said, et puis il a dit, please, s'il vous plaît, aidez-moi. I'm j'ai soif. Peter was not there to help. Pierre n'était pas prêt pour l'aider. He cried back to the enemy. Il a crié à son ennemi. Aide-moi. Please. J'ai soif. There was no fruit. Il n'y avait pas un ami. He cried back to the ones who just il a pleuré vers celui qui l'a percé. To help him. Pour l'aider. And they mocked him. Et puis ils se sont moqués de lui. They gave him vinegar. Ils lui ont donné le vinaigre. And after that, après cela, he lost his... il a rendu son esprit. And for me, the Lord took me down and showed me what he went through down. Et pour moi, le Seigneur m'a mené en bas pour me montrer qu'est-ce qu'il a fait en bas. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. Please. S'il vous plaît. Don't allow Jesus to abuse. Ne permettez pas que Jésus soit abusé encore une fois. The Lord is saying to me now. Le Seigneur me dit maintenant. Since I came to this depuis land, que je suis venu sur ce pays. He showed me the garment of the church in this land. Il m'a montré le vêtement de ce pays ici. Big stain. Yeah. Une grosse called, tache. It's called sexual sin. Est appelé péché sexuel. Big stain. Une grande tache. That has to be cleaned before that day. Ça doit être nettoyé avant qu'il revienne. Because we know what the Bible says about the garment. Parce que nous savons qu'est-ce que le Seigneur dit sur les vêtements. Without spot. Sans défaut. Without wrinkle. Sans ride. Without stain. Sans tache. Perfect garment. Parfait, habit parfait. What the Bible says about it, we know. Qu'est-ce que le Seigneur dit de ça, nous le savons. So we need to walk towards there. On doit marcher vers là-bas. Right now, the biggest stain in this land is called sexual immorality. Maintenant, le grand péché dans ce pays s'appelle le péché sexuel. To the extent. Jusqu'au point. That your beautiful nation, which was created by the hands of God. Votre pays belle, qui a été créé par les mains de Dieu. Has become the Sodom and Gomorrah of this region. Est devenu Sodom et Gomorrah de cette région. Sexual sin. Le péché sexuel. Has kidnapped the church. A kidnappé l'église. Pastors are lasting. Les pasteurs convoitent. And those funny scandals. Et s'il y a beaucoup de scandales. Time is out. Le temps est fini. Running around with girls closer to pastor, what? All that nonsense. Courant avec les filles, à close avec le pasteur. Tout ce nonsense est terminé. I love my pastor. Oh, j'aime mon pasteur. When he preaches, he makes me laugh. Quand il prêche, il me fait rire. Hi, pastor, how are you? Oh, pasteur, comment vas-tu? That nonsense. Ce nonsense must be cut. Ça doit être coupé. Even you. Même vous. My daughters. Mes filles. You can tell. Vous pouvez dire. When a relationship is evil. Quand une relation est mauvaise. Open your phone. So, ouvrez votre téléphone. Remove the SIM card. Enlevez votre carte SIM. Throw it away. Et jetez cela. And put another SIM card. Et mettez un autre SIM card. And say. Et dites. From today on. À partir d'aujourd'hui. I choose Jesus. J'ai choisi Jésus. I choose the Lord. J'ai choisi le Seigneur. That is what I'm saying. C'est ce que je suis en train de dire. Time comes. Des fois. When such an announcement is made. Quand certaines annonces sont faites. When the church. Avec l'église. Must return to the Lord. Où l'église doit revenir au Seigneur. Even the cow. Même les vaches. When they go grazing out there. Quand ils vont manger les herbes dehors. The cow knows its owner. Les vaches connaissent leur propriétaire. When the weather has changed, the sun is going down. Quand le soleil se couche, les temps changent. You only see the cow going. Tu vois les vaches continuer à retourner à la maison. To its owner. À leur propriétaire. Even the cow. Même les vaches. How come the church? Comment, qu'en est-il pour l'église? Does not know her owner. Qui ne connaît pas son propriétaire. We must now return to the Lord. On doit maintenant revenir au Seigneur. In holiness. Dans la sanctification. You must return to the house of the Lord. Vous devez retourner à la maison du Seigneur. And clean out the sexual immorality. Et nettoyer les sexuelles immoralités sexuelles. Un grand mancha. Qui est une grande tache. The second stain. L'autre deuxième tache. Is called. C'est appelé. Falsehood. La fausseté. Falsidad in Spanish. La fausseté en espagnol. Falsehood. La fausseté. Your false apostles. Vous avez beaucoup de faux apôtres. False prophets. Les faux prophètes. The Lord. Le Seigneur. He told me. Il m'a dit. Never ever. Plus jamais jamais. Walk with them. Ne marchez avec eux. Never ever. Non jamais. Never ever. Ne marche jamais jamais avec eux. And I. Et moi. Have walked. Je marche. With the Lord. Avec le Seigneur. Alone. Seul. From country to country. De pays à pays. For more than 10 years now. De plus que 10 ans maintenant. And they thought. Et ils pensaient. I am going to be solitude. Lonely. Que je serai solitaire. Seul. Solo. Seul. Lonely. Seul. They were shocked. Ils étaient choqués. To find. De voir. That actually. Actuellement. I was not alone. Je n'étais pas seul. I was standing with him. Je marchais avec lui. Yes. Oui. That's the message I bring to you. Ça c'est le message que je vous apporte. That when you stand alone. Quand vous restez seul. One of the principles that I teach globally. L'un des principes que j'enseigne globalement to the pastors, aux pasteurs is this. C'est ceci. I tell them, je leur dis, learn to stand alone. Apprends à se mettre debout seul. Even in the church. Même dans l'église. If you have a pastor friend, si vous avez un ami pasteur, and every time you meet on Monday, et chaque fois que vous rencontrez le lundi, oh, let's eat something, let's eat. Non, allons manger quelque let's chose. Let's have lunch together, pastor. Avons un repas ensemble. You know it's good to fellowship vous together. Vous savez, c'est bon d'avoir une communion fraternelle. And the only thing he talks about is women, women, et women. La seule chose qu'il parle, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Separate from that. Sépare-toi de ces pasteurs. If you are attending Alliance Pastores, si tu vas dans une alliance pastorale. And you go there. Et tu vas là-bas. And the only thing they are talking. La seule chose qu'ils disent. How can we do a project and eat some money from government? Comment est-ce qu'on fait faire un projet et puis manger l'argent du gouvernement? I'm told there's a lot of money there. On m'a dit qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. If we do a project, we can get money. Si on fait des projets, on peut avoir de l'argent. How do we get visa to go to Montreal? Comment on pourrait avoir le visa pour aller à Montréal? How do we do what? Comment on fait faire ça? If you realize. Si tu réalises. That you are in a pastor's fellowship. Quand tu es dans une communion de pasteurs. And the agenda for Christ. Et l'agenda pour Christ. Is not there. Il n'est pas là-bas. The agenda for the coming of the Messiah. L'agenda pour la venue du Messie. Is not there. N'est pas là-bas. Tell them. Dites-leur. Guys. Hey les gars. Today I step out. Aujourd'hui je me sépare de vous. Learn to stand alone. Apprends à rester seul. Even inside the church. Même à l'intérieur de l'église. I told you. Je vous ai dit. They used to think I was standing alone. Ils pensaient que j'étais seul. When you stand with the righteousness of the Lord, quand tu te restes avec la droiture du Seigneur, you will be shocked. Tu seras choqué. Who is standing next? Qui se met debout à côté de toi? There is no solitude here. Il n'y a pas la solitude ici. Every day I am happy. Chaque jour je suis content. And every day I'm so busy. Chaque jour je suis tellement occupé. Going from nation to nation preparing the church. Allant de nation en nation préparant l'église. Praying, fasting, what is too busy? Priant et faisant les jeûnes, je suis très occupé. There's no time for solitude solo. Il n'y a pas de temps pour la solitude. Loneliness. La solitude. And in countries which are more than like your country. Et dans les pays qui sont modèles comme votre pays. Because I see your number plates are European number. Parce que je vois que vos plates de voiture sont européennes. On your vehicles. Dans vos véhicules. Modern. Modern. But listen to me very well. Mais écoutez-moi bien. Be careful. Faites attention. Because every time people become modern. Chaque fois les gens deviennent modernes. I don't know what enters their heads. Je ne sais pas qu'est-ce qui entre leurs têtes. They normally take it into the head. Normalement, il prend sa partie de la tête. He said, no, you see. Il dit non, tu vois. We are modern. Nous sommes modernes. You know there is freedom in Christ. Vous savez, il y a la liberté en Christ. No, don't worry. God does not look at your dressing. He looks at your heart. Non, ne t'inquiète pas. Dieu ne regarde pas à ton extérieur. Il regarde à ton cœur. Be careful. Faites attention. The Lord is saying. Le Seigneur dit. That the wedding rings are antique. Les anneaux de mariage sont antiques. And he say, et il dit, remember the primitive church. Rappelez-vous de l'église primitive. Where they preached. Quand ils prêchaient. Christ Jesus crucified. Jésus-Christ crucifié. And resurrected. Et ressuscité. And they were walking. Et quand ils marchaient. On the way to Emmaus. Dans les rues de Emmaus. Emmaus. Emmaus. And he came. Et il est venu. And he listened. Il a écouté. And he heard them. Il les a entendus. Talking. Il parlait. Christ Jesus. Jésus-Christ. Crucified. Crucifié. Resurrected. Ressuscité. When they slept. Quand ils ont dormi. They dreamt. Ils rêvaient. Christ Jesus. Jésus-Christ. Crucified. Crucifié. Resurrected. Ressuscité. When they sat to fellowship. Quand ils s'asseyaient pour faire la communion fraternelle. Thessaloniki. À Thessalonique. Caesarea. À Thessalonique. Philippi. A Philippe. Caesarea Philippi. Jerusalem. A Jerusalem. Wherever. Partout. When they sat down. Quand ils s'asseyaient ensemble. In fellowship. Et avec la communion fraternelle. They fellowship. Ils avaient la communion. Christ Jesus. Jésus Christ. Crucified. Crucifié. Resurrected. Ressuscité. When it was time to preach. Quand c'était le moment de prêcher. They preached. Ils ont prêché. Christ Jesus. Jésus Christ. Crucified. Crucifié. Resurrected. Ressuscité. When it was time to die. Quand c'était le moment de mourir. They died. Ils sont morts. Christ Jesus. Jésus Christ. Crucified. Crucifié. Resurrected. Ressuscité. He's saying. Il dit. That church. Cette église là. That is the golden church. Ça c'est l'église en or. I need that church. Je veux cette église là. Where is that church? Où est cette église là? Where is she? Elle est où? That is the bride of Christ. Ça c'est l'épouse de Christ. The church of the cross and the blood. L'église de la croix et du sang. That's why when Jesus appears, quand Jésus apparaît, the first thing, la première chose, the cross, la croix and the blood. Et le sang. How can you say you are now modern? Comment pouvez-vous dire maintenant que vous êtes moderne? You don't want the old dirty cross. Vous ne voulez pas de la croix ancienne et sale. I don't want. Non, non, je ne veux pas ça. Me, I just want happiness. Moi, je veux seulement être heureux. I want to be happy. Je veux être content. In fact, I was talking to my pastor. En fait, j'ai parlé à mon pasteur. I like talking to him. J'ai parlé à mon pasteur. He makes me happy. Il me rend heureux. He's funny. Il est amusant. I love him. Je l'aime. And then. Alors, you know that there is something sick in that relationship. Tu sens qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette relation-là. Malade. Il y a une maladie. Something malade in that relationship. Il y a quelque chose de malade dans cette relation. Because of time. À cause du temps. And the state of the church. Et l'état de l'église. If you look at the condition of the church. Si tu vois la condition de l'église. There is no way. Il y a pas de moyen. When you preach here. Et que tu prêches ici. The church can love you. Que l'église puisse t'aimer. No way. Non, il y a pas de moyen. Listen to me, pastor. Écoutez-moi, le pasteur. Go and rebuke the church. Vas-y, reprends l'église. It is better. C'est mieux. You have five families. Avoir cinq familles. Going to heaven. Qui vont au ciel. Than 1,000 people. Que 1,000 personnes. Going to hell. Qui vont en enfer. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Oh oui. Because you fear to rebuke. Parce que tu as, vous avez peur de reprendre les brebis. Oh, if I rebuke. Oh, si je les reprends, they will cross the street. Ils vont passer la rue. And go to my enemy's church. Ils vont aller dans les églises de mes ennemis. And when they reach there, et quand ils vont arriver là-bas, they will make sure I hear what they're doing there. Ils vont tout faire pour que je sache qu'ils sont arrivés là-bas. They start shelling money and doing projects. Ils vont commencer à faire, donner l'argent, à mettre des projets en place. To make sure I hear. Pour que je sois, tu sois sûr que j'ai entendu ça. Don't worry. Ne vous inquiétez pas de ça. The more they walk away, plus ils vont s'en aller. Don't change the gospel. Ne change pas l'évangile. The more you should tighten, la plus tu vas serrer cela. In that time, et à ce temps-là, don't look at your wife when you're preaching. Ne regarde pas ta femme quand tu prêches. Because the look she will give you, parce que le regard que ta femme va te donner, will tell you, va te dire, that she is saying, qu'elle est en train de dire, I will catch you at home. Je vais t'attraper à la maison quand on va arriver. You are destroying a beautiful church. Tu es en train de détruire notre église. Don't look at her. Ne regarde pas ta femme. You tell her. Toi dis à ta femme. Listen to me, honey. Écoutez-moi, bien-aimé. I have a calling. J'ai un appel. Stay out of this. Sois dehors de ceci. Let me sort this out with the Lord. Laisse-moi faire ceci avec le Seigneur. And prepare a holy church. Et prépare une église sainte. The God of the harvest. Le Dieu de la moisson. Will bring in the sheep. Il va amener les brebis. The God fearing sheep. In the baby qui craignent l'Éternel. Moses. Moïse. When the Lord wanted to call Aaron. Quand Dieu voulait appeler Aaron. In Exodus 28. Dans Exode 28. The Lord spoke to Moses. Le Seigneur a parlé à Moïse. And this is what he told Moses. Regarde ce qu'il a dit à Moïse. He told Moses. Il dit à Moïse. Go to the Israelites. Va chez les Israélites. And tell them to bring out to you. Dites-leur de sortir de pour toi. Bring out meaning separate out. Oui, de séparer du milieu de pour toi. Aaron. Aaron. And his sons. Et ses enfants. Nadab. Nabdab. And Abihu. Et Abihu. Eleazar. Eleazar. And Ithamar. Et Nathan. And he said, bring them here. Amenez-les ici. And he said. Et il dit. I want them to appear before me. Je veux qu'ils apparaissent devant moi. And he said. Et il dit. Prepare for them a sacred garment. Prépare pour eux un vêtement sacré. And he said. Et il dit. Among you here, au milieu de vous ici, there are some people I have anointed with wisdom. Il y a des gens que j'ai oint avec la sagesse. One of them is Bezalel. L'un d'entre eux c'est Bezalel. And they have the specific instruction to prepare the garment. Et ils ont des instructions spécifiques pour préparer les vêtements. And he said, et il dit, give him a sacred garment. Donne-lui un vêtement consacré. To give him, de lui donner dignity and honor. La dignité et l'honneur. Meaning, ça veut dire, the other days Aaron was walking around. Les autres jours où Aaron marchait au milieu d'eux. He did not have dignity and honor before the Lord. Il n'avait aucune dignité ni honneur devant le Seigneur. When the time to appear reaches. Quand le temps d'apparaître est arrivé. Now the Lord talks about the garment. Maintenant le Seigneur parle de vêtements. Listen to this. Écoutez ceci. I have seen the church appear. J'ai déjà vu l'église apparaître. When you listen to the prophecy I gave from South Africa. Quand tu écoutes la prophétie que je donnais à partir de l'Afrique du Sud. The prophecy that brought the bloodshed in the Arab world. La prophétie qui a amené le sang. And all over the world really. Qui a amené le sang. The Arab world. Dans le monde arabe. Libya, Tunisia, Egypt, what, Syria, Libye, all Tunisie, Égypte, Syrie. If you listen to that prophecy, there are two parts. Si tu écoutes cette prophétie, il y a deux parties. The other part, I see the church worshipping before the throne. L'autre partie, je vis l'église en train d'adorer devant le trône. And I describe their long glorious garment that flows a bit. Je décris leur longue robe qui descend et qui déborde un peu. And I describe how they worship together in unison in one direction like this. Et je décris. And then they go back and then their garment give like camera flashes. Je décris comment ils sont en train d'adorer en unison comme ça et en montant comme ça et leur robe est en train de flasher à gauche à droite. There were like thousands every time they moved their garment. Chaque fois qu'ils bougeaient leurs vêtements. From where I was. D'où j'étais. They were giving like thousands of those flashes. Ils donnaient des milliers de flashs comme ça. That is how glorious the garment of the church will be. C'est comment ça que sera glorieux le vêtement que portera l'église. Now that means. Maintenant ça veut dire. I am standing here. Je me tiens ici. And telling you. Et je vous dis. That I have seen the church appear. Que j'ai déjà vu l'église apparaître. Remember Aaron. Rappelez-vous d'Aaron. He was living among the Israelites. Il vivait parmi les Israélites. God's chosen people. Le peuple choisi de Dieu. But when the time to appear came. Quand l'heure d'apparaître est arrivée. Then he said, separate him out, not from Egypt, but out from Israel. Il a dit, séparez-le, pas de l'Égypte, mais des Israélites. Oh yes. Ah oui. And here too. Et ici aussi. I have seen the church appear. J'ai vu l'église apparaître. That means the hour to appear has arrived. Ça veut dire que le moment d'apparaître est arrivé. And the Lord is saying, le Seigneur dit, please, s'il vous plaît, separate out, séparez-vous des deux, not from the world, pas du monde, from the church, de l'église. Alléluia. Oh yes. Oh oui. The church is where there is sin right now. L'église est là où elle est assise maintenant. He says, separate out. Séparez deux. And then he says, alors il dit, give him a sacred garment. Donnant un vêtement sacré. In other versions, he says, dans d'autres versions, il dit, to give him beauty and glory. De lui donner la beauté et la gloire. And if you look at Matthew 22, et quand tu regardes à Matthieu 22, when the Lord himself talked about the garment, quand le Seigneur lui-même parle des vêtements, it is in red. C'est en rouge. Matthew 22, verse 1 to 14. Matthieu 22, verset 1 à 14. You hear the Lord say, j'entends le Seigneur dire, that he sent a servant to tell the church, il a envoyé des serviteurs pour dire à l'église, look, the wedding is ready. Regarde, la fête de l'agneau est prêt. I have seen the rings. J'ai vu les anneaux. I have seen the bulls slaughtered. J'ai vu les vaches être égorgées. I have seen heaven prepared. J'ai vu le ciel être préparé. And Jesus gave the fearful prophecy. Jésus a donné une prophétie qui fait peur. He says, il dit, the church, l'église, refuses. A refusé. One go to the field, les uns sont allés au champ. One go to do his own business, dans leurs propres affaires. And he says this, et il dit ceci. Focus on this now. Regardez ceci maintenant. This is what he says. Il dit ceci. He says, il dit, he tells them to bring all the people from the street corners who are prepared. Il dit d'amener tous les gens dans les coins des rues qui sont préparés. But look at this now. Mais regardez ceci. When they were gathered there, quand ils étaient rassemblés là-bas, then God the Father does this. Alors Dieu le Père a fait ceci. He walks like this. Il est rentré comme ça. To check on the people who have been brought. Pour vérifier les gens qui sont ramenés là. Then he meets a man there. Alors il a rencontré un homme là. He said, Rafiki. Il dit Rafiki, friend, mon ami. Mon ami, Avershali, in Hebrew, en hébreu. What he's saying is this. Il dit ceci. He calls him mon ami. Il l'appelle mon ami. He said, friend, mon ami, how did you get in here without wedding clothes? Comment es-tu entré ici sans habit de noces? Friend, mon ami, meaning, ça veut dire, the Lord and this man, le Seigneur et cet homme, they knew each other. Ils se connaissaient. There was a relationship. Ils avaient une relation. This was the friend of God. Ça c'était un ami de Dieu. Who is the friend of God in this earth? Qui est l'ami de Dieu sur cette terre? The friend of the Lord on this earth is only the church. Il n'y a que l'église qui est l'ami du Seigneur sur cette terre. And he says, et il dit, friend, mon ami, how did you get in here without wedding clothes? Comment es-tu entré ici sans habit de noces? He said, oh. Il dit, oh. Can you people tie him? Est-ce que vous pouvez l'attacher? Hands and legs. Les pieds et les mains. And throw him to inferno, to hell. Et le jeter là dans l'enfer. Where there is the gnashing of teeth. Là où il y a le grincement des dents. And the weeping. Et les pleurs. Meaning. Ça veut dire, when it comes to the garment of the Lord, quand ça arrive au vêtement du Seigneur, on this day, en ce jour, it does not matter friendship. Les amitiés ne comptent plus. Did you understand me? Est-ce que vous me comprenez? Friendship will not matter. Les amitiés ne compteront plus. As long as you don't have a garment. Aussi longtemps que tu n'as pas le vêtement, finish. C'est fini pour toi.